السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, مرحبا بكم وحياكم الله عز وجل وبياكم. Nous sommes en ce soir samedi 23 Jumada al-Oula 1428, c'est-à-dire le 9 juin 2007. Nous sommes toujours avec l'Aqida al-Wasitiya. Nous allons faire juste une petite révision comme toujours, Inch'Allah ta'ala, et commencer bi'iznillah azza wa jal le nouveau. Nous avons vu que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est exactement comme l'irada. Naam, l'irada fait le kawniya, fait l'irada shara'iya. La même chose, le hukm fait l'irada, afwan, fait le hukm le kawni ou le hukm shara'i. Donc le jugement aussi ressemble beaucoup à la volonté, en ce sens que comme il y a la volonté religieuse et juridique et la volonté universelle, la même chose pour le jugement, le hukm, il y a le hukm shara'i, c'est-à-dire le jugement religieux, juridique, et il y a le hukm al-kawni. Et on avait dit que le hukm, le jugement religieux, c'est tout ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne la sharia. Naam. Tout ce que Allah ta'ala a jugé et a fait descendre dans son livre, ou bien de par le biais de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit haram, halal, ou bien mubah, ou bien makruh, tout ça, ça rentre dans le hukm shara'i, c'est-à-dire juridique. Quant au hukm kawni, c'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans cet univers, yani les biens, les maladies, la mort, le risque. Tout ça, ça rentre dans le hukm al-kawni. On avait donné comme exemple le hukm al-shara'i. On avait donné exemple pour le hukm al-shara'i. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, « Zalika hukmullahi yahkumu baynakum ». Je vais essayer de le coller ici si je peux. Une seconde, inshallah ta'ala. Vous me dites si ça s'affiche ou ça ne s'affiche pas. Naam. « Zalika hukmullahi yahkumu baynakum wallahu alimun hakim ». Tel est le jugement d'Allah par lequel il juge entre vous. Riyad, est-ce que tu vois quelque chose? Omar Abdullah, est-ce que tu vois quelque chose? Riyad ou bien Omar Abdullah? Naam. Zalika hukmullahi yahkumu baynakum wallahu alimun hakim. Tel est le jugement d'Allah par lequel il juge entre vous. Ici, comment on va savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler du jugement juridique ou bien du jugement universel? Il doit sûrement y avoir des règles pour savoir. Naam, on a montré la règle. Quand il parle de quelque chose qui a un rapport avec la sharia, ça s'appelle un jugement juridique et religieux. Quand il parle d'autre chose qui a un rapport avec l'univers, on dit c'est un jugement universel. Donc ici, pour savoir, comme on a su ici, pourquoi j'ai dit ici, c'est un jugement religieux, parce que c'est d'après le contexte. Naam, c'est d'après le contexte. Regardez par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, regardez qu'est-ce qu'il a dit par exemple, pour vous donner le contexte. Regardez ici, une seconde. Naam. Regardez pour donner le contexte, pour savoir que c'est religieux. Ô vous qui avez cru, quand les croyants qui viennent à vous en émigré, éprouvez-les, testez-les. C'est pas sûr qu'elles ont fait la hijra pour Allah, on ne sait jamais, testez-les. Allah connaît mieux leur foi. Si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. elles ne sont pas licites en tant qu'épouse pour eux, et eux non plus ne sont pas licites en tant qu'époux pour elles. Oum Abdallah, écrit numéro 1 si c'est affiché. Regardez maintenant la suite. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, et rendez-leur ce qu'ils ont dépensé comme mahar. Il ne vous sera pas fait, il ne vous sera fait aucun griffe en vous mariant avec elles quand vous leur aurez rendu leur mahar. Et ne gardez pas de lien conjugal avec les mécréantes. Réclamez ce que vous avez dépensé et que les mécréants aussi réclament ce qu'ils ont dépensé. Tel est le jugement d'Allah, tel est le jugement d'Allah par lequel il juge entre vous. C'est le dernier verset que j'avais affiché. Naam. C'est le dernier verset que j'avais affiché. Je n'ai pas terminé là-bas ici. Il dit tel est le jugement d'Allah par lequel il juge entre vous. Allah est omniscient et sage. Vous regardez donc l'ahdo. Vous remarquez avec moi, barakallahu fik. Vous remarquez, il a dit tel est le jugement d'Allah. Nous on a dit c'est un jugement juridique parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets a parlé de sharia. Il a parlé de la sharia. Qu'est-ce qu'il a donné comme jugement ici? Que quand une musulmane vient du kafir vers le muslim, classe, elle a fait la hijra, elle est devenue musulmane, elle est rentrée en islam, elle part vers les musulmans. Si jamais son mari demande, il dit, donc vous me rendez, bon vous ne me rendez pas la femme, mais au moins rendez-moi la dot. Allah Ta'ala dit, rendez leur dot. Subhanallah, subhanahu wa ta'ala, l'islam, yani, c'est l'équité, yani, la justice totale. Le kafir, je lui rends la dot, pour qu'il ne dise pas pourquoi. Et Allah Ta'ala a dit, et vous aussi, si une femme d'entre vous va chez elle, chez eux, chez le kuffar, vous demandez au kafir qu'il vous donne la dot. Naam. Donc, vous voyez que Allah Ta'ala, c'est lui qui a jugé. Il a jugé comment? Il a jugé un jugement juridique, parce que c'est quelque chose de sharia. Faites ceci, rendez ceci, donnez cela. Ça, c'est wajib. Ça, c'est si vous ne faites pas, c'est haram. Donc, ça veut dire le jugement juridique. Et là, ça me rappelle une chose. Les gens qui ne font pas la différence entre le juridique et l'universel, surtout dans l'irada, l'irada kouniya ou sharia, yani l'mashi'a et l'mahabba, surtout là, et aussi dans le jugement, le hukm, et aussi dans le qada, le décret, cela vraiment s'égare. Ils sont vraiment des égarés. Je vous donne un exemple très simple. Regardez, il y a une secte, l'une des plus égarées qui se dit musulmane, cette secte, qui s'appelle Wahdat al-Wujud. Ils disent que tout cet univers, c'est Allah. Tout ce que vous voyez devant vous, c'est Allah. Les arbres, les cieux, les étoiles, le chat, le chien, tout ça, on fait partie d'Allah. Tout ce qu'on dit, c'est Allah qui parle. Même si on dit quelque chose de pas bien ou là, tout ça, c'est Allah, c'est lui qui a parlé. Allah l'Azim, Ibn Arabi, Ibn Farid, Tilimsani, les grands, grands, grands égarés et qui ont égaré avec eux beaucoup de gens. Al-Muhim, cela, justement, l'une des causes qui les a poussés à rentrer dans cet égarement qui n'a pas de fin, c'est quoi? C'est de ne pas différencier entre le juridique et l'universel. Ils ont lu dans le Coran. Qu'est-ce qu'ils ont lu? Ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que rien ne doit être adoré que lui. Allah ta'ala a décrété, c'est le verset, je le traduis à peu près. Allah ta'ala a décrété, wa qada rabbuka, Allah ta'budu illa iya, que rien ne doit être adoré que lui. Subhanallah, ils ont dit alors, puisque Allah Ta'ala a décrété que seul lui doit être adoré. Et Allah Ta'ala, quand il décrète une chose, il lui dit soit et elle est. Il ne peut pas décréter une chose et elle ne peut pas exister. Donc, nous, si on adore une statue ou un chien ou là une étoile ou là le soleil, c'est qu'on est en train d'adorer Allah. Car lui, il a dit, il a décrété que sauf lui peut être adoré. Sauf lui. S'adore. Il n'y a aucune autre chose qui peut être adorée. Subhanallah, ils ont dit. Donc, voilà donc un verset qui est très clair, entre parenthèses, très clair pour eux, qui montre que tout ce que tu adores, c'est Allah. Et c'est lui qui a décrété que rien ne pourrait être adoré en dehors de lui. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim min ad-dalal al-mubin. Alors que Al-Sunnah al-Jama'a disent, décrété, ça se divise en deux. Décrété universellement et décrété juridiquement. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas décrété universellement, mais il a décrété religieusement et juridiquement. Il a ordonné qu'on l'adore, mais il est possible qu'on ne l'adore pas. Il est possible qu'au lieu de l'adorer, j'adore une statue, j'adore un arbre, j'adore une tombe. Non, mais il a décrété juridiquement, ça veut dire il aimerait, une mahabba, il aimerait qu'on l'adore. Les autres ne font pas la différence, ils ont dit, il n'y a qu'un seul décret. Comme ils disent, il y a un seul jugement, le hukm, et il y a une seule irada, c'est-à-dire une seule volonté. Et ceux qui ne font pas la différence entre les deux, l'universel et le religieux, se perdent et s'égarent. Naam, regardez, cette secte, Wahdat al-Wujud, s'est égarée en se basant sur un verset. Ils ont dit, c'est Allah qui a dit, il a décrété qu'on n'adore que lui. Donc moi, si j'adore un chien, c'est que c'est lui qui a voulu. Donc je suis en train d'adorer Allah. حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم. Donc ça, l'exemple que je viens de donner, c'est quoi? C'est le, il a jugé un jugement religieux et juridique parce qu'il a parlé de dot, qu'il fallait rendre la dot au kuffar et que eux, ils devaient nous rendre la dot, etc. Donc ça a rapport avec la législation. Donc c'est juridique, religieux, shar'i. Maintenant, on avait donné aussi l'exemple du jugement kouni. Kouni. Maintenant, on va donner un exemple d'un jugement qui n'est pas religieux, mais qui est universel. Regardez ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et vous me dites s'il s'affiche, inshallah ta'ala. Non. Regardez ce verset, bi'idhnah ta'ala. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي. شكراً. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. سبحان الله العظيم. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو الحكيم. Je ne quitterai point le territoire jusqu'à vous savez qui est en train de dire cela. Je ne quitterai point le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette ou qu'Allah juge en ma faveur. Il est le meilleur des juges. Qu'Allah juge quoi? Qu'Allah juge que je parte de ce territoire, que je quitte ce territoire. Donc c'est un jugement. C'est pas un jugement juridique. Ça n'a pas rapport avec le haram, halal, mubah, makroum. Non, ça a rapport avec quelque chose qui rentre dans l'univers. Le fait que cette personne va quitter cet endroit et aller vers un autre endroit. Ça n'a rien à voir avec la sharia. Donc c'est un jugement comment? C'est un jugement universel. Et entre parenthèses, n'oubliez pas, très bientôt, les contrôles, là, vous dites, il a dû oublier celui-là, il est âgé, il a oublié. Les contrôles, je ne les ai pas oubliés. Très bientôt, ça va commencer l'un derrière l'autre. Ça fait longtemps que je vous ai laissé comme ça. Non, on va voir qu'est-ce que vous étiez en train de faire quand je parlais. Al-Muhim. Ensuite, il a dit, non, donc celui-là, c'est un jugement quoi? Universel. Il parle de quelqu'un qui va quitter le territoire. Ça n'a rien à voir avec Sharia. Et on avait montré que le hikmah, la sagesse, quand Allah subhanahu wa ta'ala légifère une chose, quand il met quelque chose dans la sharia, ça comporte deux choses, toujours, alhamdoulilah. Ça comporte une sagesse en elle-même, la chose que Allah subhanahu wa ta'ala shara, la chose que Allah ta'ala a légiférée. Elle comporte une sagesse en elle-même et une sagesse dans la finalité, dans le but. Je donne un exemple très simple. Toute chose que Allah subhanahu wa ta'ala a légiférée, la salat, la zakat, tout ça, ça comporte une sagesse. En elle-même, elle est belle, elle est yani, logique, la chose que Allah Ta'ala a légiférée. C'est pour ça que yani, jamais un musulman ne doit trouver qu'il y a contradiction entre la sharia, par exemple, et le raisonnement. C'est pour ça qu'on a dit à quelqu'un, on lui a dit, comment as-tu connu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Il a dit, parce que j'ai vu ce qu'il a légiféré, je ne me suis jamais dit, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré cette chose à une chose qu'il a légiférée, ou bien pourquoi n'a-t-il pas légiféré cette chose à une chose qu'il n'a pas légiférée? Il a dit, yani le raisonnement marche toujours, il ne se contrarie jamais avec la sharia. La sharia, n'est jamais venu pour contrarier l'aql, comme on croit les Mu'tazila. Mais ils marchent ensemble. C'est avec ton aql, avec ton raisonnement, si tu le fais fonctionner bi'idhna ta'ala, tu vas comprendre des milliers de choses. Mais si au départ, tu vas dire, il y a des fautes dans le Coran, il y a des fautes dans la Sunna, il y a des contradictions, et tu vas essayer de yani, mettre en marche ton raisonnement, tu vas être égaré et trouver beaucoup de fautes. Naam. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas parti avec un bon départ, un départ de celui qui cherche la vérité. Tu es parti avec le départ de celui qui veut, d'emblée, il veut contrarier le Coran, d'emblée. Il rentre, il veut chercher où sont les fautes, où sont ceci. Ah, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, va l'égarer encore plus. Comme il a dit dans le Coran, même le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait égarer avec lui. Avec ce Coran, il fait égarer beaucoup de gens qui croient qu'ils vont trouver des fautes dans le Coran, etc. Cela, il va les égarer. Mais s'ils rentrent bien au Coran avec l'idée d'apprendre, avec l'idée de chercher la vérité, Allah ta'ala va les guider. Ils sont sincères. C'est pour ça qu'ils vont vite rentrer en islam. Naam. Alors que les autres, ils vont toujours être les ennemis de l'islam. C'est pour ça qu'il n'y a pas une chose que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et qui soit contraire au raisonnement. D'ailleurs, ça suffit que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah, a écrit un livre qui a 18 ou 20 tomes, je crois 20 tomes, qui s'appelle Dar al-Ta'aruz, yani bain al-aql wa al-naqs. Yani, à peu près, je donne à peu près la traduction de son titre, yani, l'éloignement de la contradiction. Entre quoi ? Entre la sharia et le raisonnement. 20 tomes, 20. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux. 20 tomes et un niveau très élevé. Moi, j'ai essayé de le lire, je n'ai lu que le premier. Je n'ai lu que le premier tome. Tellement, yani, il faut avoir un niveau pour continuer à le dire. 20 tomes pour prouver qu'il n'y a pas de contradiction entre ce que Allah a légiféré et avec le raisonnement, alhamdoulilah. C'est pour ça que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fera entrer les gens le jour de la rétribution, il les fera rentrer en enfer, que leur diront les anges ? Ils leur diront, yani, qui est-ce qui vous a fait venir ici ? Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire, لو كنا قالوا لو كنا نعقل أو نسمع ما كنا في أصحاب السعير. Ils ont dit, ah, si on raisonnait, كنا نعقل أو نسمع, ou bien si on entendait. On entendait, yani, le haq, la vérité, sera, on ne serait pas aujourd'hui ici en plein Jahannam. Donc ils ont reconnu que s'ils avaient raisonné, ils auraient trouvé la vérité. Car Allah Ta'ala nous a donné le cerveau pour raisonner et méditer le Coran et la Sunna et arriver yani, à la fin qui est connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, premièrement et deuxièmement, tout ce que Allah Ta'ala a légiféré, كل ما شرع الله سبحانه وتعالى لابد أن ينطوي على حكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. نعم. الله سبحانه وتعالى tout ce qu'il a légiféré c'est la sagesse, c'est la sagesse, la sagesse. Qu'il le sache, le savant, ou qu'il l'ignore, l'ignorant. نعم. Ça ne veut pas dire parce que moi je ne connais pas quelle est la sagesse en cette chose qu'elle n'a pas de sagesse. Non. Qui suis-je moi? Qui suis-je? Moi, je suis un ignorant. Je n'ai pas pu comprendre la sagesse parce que je suis ignorant, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sagesse dans cette chose. Naam. Regardez par exemple Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Quand il a commencé à faire le tawaf en train de tourner auprès de, yani, autour de la Kaaba. Quand il est arrivé à la pierre noire, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a touché avec sa main. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? والله إني لا أعلم أنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا يعني ما فعلته. Qu'est-ce qu'a dit Omar ibn Khattab? والله, en parlant avec la pierre noire, je jure que tu ne fais ni du bien ni du mal, mais yani, je te touche comme ça parce que j'ai vu le prophète صلى الله عليه وسلم te toucher. Donc Omar ibn Khattab رضي الله تعالى عنه n'a pas compris quelle est la sagesse de toucher une pierre. Et pourquoi spécialement cette pierre? Pourquoi je ne touche pas les pierres qui sont dans la rue? Pourquoi spécialement cette pierre qui est là? Mais il a reconnu, il a dit, mais j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ainsi, or je fais comme lui. Il a reconnu que suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça doit avoir une sagesse, même si moi je ne le reconnais pas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour qu'on le suive. Ça a été envoyé pour qu'on le suive. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَتَّبِعُونِي. Nous, on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il fait. Qu'on ait compris. Pourquoi on n'a pas compris? Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَإِنْ تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا. Et si vous lui obéissez, vous serez guidé. تَهْتَدُوا. Toi, suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu seras guidé. Soit que tu aies compris pourquoi ou que tu n'aies pas compris. C'est pour ça que les ulama al-usul, lorsqu'ils ont divisé les étapes, comment ils les sortent, comment suivre, comment qu'on imite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont divisé en six choses. Ils ont dit ittiba' an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit il est dans la jibilla, l'ada, l'tashahi, l'ittifaq, l'ikhtisas ou l'ibada, dans six choses. On suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans six choses. L'une des six choses, c'est quoi? Ils ont dit tashahi. Même quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam mange quelque chose, même si tu ne l'aimes pas, et tu manges de cette chose, ça ajoutera en ton amour en lui. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, n'aimait pas les courgettes. Entre parenthèses, moi aussi je ne les aime pas. Et quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui posait un plat comme ça, il cherchait où est-ce qu'elles étaient les courgettes pour les manger, il a dit, moi aussi il faut que je mange les courgettes. Et il a commencé à les manger, alors qu'il ne les aimait pas. Pourquoi? Juste pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il l'aime, et tellement on doit l'aimer, sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Maintenant, regardez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, pour parler aussi de la sagesse. Regardez dans ce verset, donnez-moi une seconde seulement pour ramener le verset à là. Tayyib. Regardez ce verset d'abord en arabe, inshallah ta'ala, ensuite en français. Naam. Celui-là en arabe, maintenant en français, inshallah ta'ala. Tayyib. Inshallah. Tayyib, je prends en français, ça n'a rien donné. Je répète donc en français. En français, ça n'a rien donné. Et maintenant, peut-être que, inshallah ta'ala, cette fois, je vais réussir, inshallah ta'ala. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Regardez, subhanallah al-azim, subhanallah al-azim. Le désordre est apparu sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. Afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, peut-être reviendront-ils. Peut-être reviendront-ils. Ce qui se passe sur la terre, le désordre, c'est quoi ici le désordre? La sécheresse, la maladie, la cherté de la vie, les tremblements de terre, ce qui s'est passé à Tsunami, ce qui s'est passé à Oman il y a 3 ou 4 jours, avec le cyclone, ou là, comment il s'appelle, Adam. Tout ça, pourquoi ça s'est passé, à cause de quoi? Allah Ta'ala a bien montré, il a dit, à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. Tout ça, c'est nous qui attirons ces choses vers nous. Non, c'est nous qui en faisant beaucoup de péchés, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des choses, nous donne ces choses. Ces maladies, ces sécheresses, tremblements de terre, tout ça. Mais, quelle est la hikmah? Quelle est la sagesse? Pourquoi il nous donne ça? Regardez la hikmah. Dans ce dos, on est en train de parler de la hikmah. Regardez la fin. Afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, peut-être reviendront-ils vers Allah. Voilà la grande hikmah. Allah Ta'ala te donne ces choses, ces maladies, etc. C'est pas parce qu'il veut faire le mal. Allah Ta'ala a créé le mal, mais ne le fait pas. C'est pour que tu reviennes vers lui. Si Allah Ta'ala ne donne pas ces choses, personne ne penserait à Allah et l'oublierait. Et j'oublierai qu'il y a une mort, et j'oublierai qu'il y a un enfer. C'est pas la peine de parler de paradis, je le cherche pas. Non, donc je vais tout oublier. Mais Allah Subhanahu wa Ta'ala nous donne des choses comme ça pour se rappeler. J'aurais pu mourir, j'aurais pu ceci, X, mon voisin est mort. Comment se fait-il que je sois toujours vivant? Subhanallah, après ce tremblement de terre, après ce cyclone, après ceci, après cela. Et peut-être que les gens reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ce que donne Allah subhanahu wa ta'ala ici, yani sur cette terre, ou la plupart de ce qu'il donne, c'est pour que les gens reviennent, pour que les gens méditent, pour que les gens méditent et reviennent. Regardez par exemple dans ce verset. Regardez par exemple dans ce verset. Non. Regardez, voilà un autre verset qui va peut-être aussi montrer cette chose. Inch'Allah ta'ala. C'est... Oui, il ne veut pas te couper le ventre. Non. Regardez ce verset. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. أم عبد الله اسكو يسي تافيشي اسكو يسي تافيشي الحمد لله. Regardez. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. Ça donne en français à peu près. Nous n'avons envoyé aucun prophète dans une cité sans que nous n'ayons pris ses habitants ensuite par l'adversité et la détresse. Pourquoi? Afin qu'ils implorent le pardon. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il donne al-darra, hein? Il donne al-ba'sa, la pauvreté, la sécheresse, etc., les maladies, al-darra, des choses qui nous font mal, etc., la maladie. Pourquoi? Parce qu'il impère le mal. Astaghfirullah. Mais regardez qu'est-ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? La'allahum yadra'un, afin qu'il implore le pardon. C'est-à-dire pour revenir vers Allah. Allah subhanahu wa ta'ala te donne une maladie pour que tu reviennes vers lui. Il donne un tremblement de terre pour que tu reviennes. Naam, sinon les gens ont tout oublié. Du matin au soir, en train de courir derrière la dunya. Et les villas et les palais, et les dernières voitures, et les plus belles femmes, et l'or, et les banques et les dollars. Donc ils ne vont pas penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur donne ces choses pour les faire revenir vers lui. Je donne aussi un autre exemple. Je donne aussi un autre exemple qui yani, étaye. Qui étaye et corrobore ce que je viens de dire aussi. Regardez maintenant lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Umar Abdullah, nous les avons certes saisis du châtiment, mais ils ne se sont pas soumis à leur Seigneur, de même qu'ils ne le supplient point. Nous les avons certes saisis du châtiment, ici, dans la vie. Ils donnent des châtiments, comme je viens de dire. Pourquoi? Pour qu'ils se soumettent. C'est pour ça qu'il a dit, mais ils ne se sont pas soumis à leur Seigneur. De même qu'ils ne le supplient point. Pourquoi ils te donnent des châtiments? Pour le supplier, pour implorer le pardon, pour dire, Ya Allah, ça y est, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, je ne continue plus sur ce mauvais chemin. Je reviens vers toi. J'ai décidé ceci. Mais la plupart ne reviennent pas. Non, la plupart ne reviennent pas. Ils trouvent ça très normal. Non, c'est comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dans les éclipses. Dans l'éclipse, les gens trouvent que c'est un spectacle. Masha'Allah. Ils achètent des lunettes et ils vont voir le spectacle, le filmer et applaudir quand il se termine. Masha'Allah, ils ont vu un spectacle. Et si c'est un tremblement de terre, ils vont dire, c'est quelque chose de la nature. Naam, hadithatun yani kawniya, ou quelque chose comme ça, tabi'iya. C'est la nature, on savait qu'il va y avoir, ou là, comment on dit, un tremblement de terre, c'était prévu il y a 2 mois, etc. C'est normal, attendez, il va y avoir quelques yani, petits tremblements encore. Et Inch'Allah, d'ici demain, tout va bien. Naam, jamais. Ils n'attachent ça avec Allah. Ils disent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est courroucé contre nous et il nous donne ces choses pour nous châtier en même temps, pour nous faire revenir vers lui. Naam. Et c'est pour ça qu'il y a un autre verset aussi où c'est très clair. C'est très clair. Yani, où Allah subhanahu wa ta'ala montre comme ça d'une façon générale que lorsqu'il a dit أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون. Subhanallah, remarquez bien ce verset. Ne voit-il pas que chaque année, on les éprouve une ou deux fois, malgré cela, ni ils se repentent, ni s'en souviennent. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ne voit-il pas que chaque année, ce n'est pas yani, tous les 10 ans, chaque année, on les éprouve une ou deux fois. Une fitna, deux fitna par an. Mais ils ne se repentent pas et ne s'en souviennent pas. Mais le vrai croyant, quand on lui donne une fitna, il revient vite vers Allah. Naam. Il s'oublie, il est là dans les haram, dans les péchés, naam, le shaitan, etc. Hop, il y a la fitna, il y a l'accident de voiture, il y a la grande maladie, il y a ceci, et il revient vite vers Allah en implorant Allah et en se mettant en genoux en train de pleurer. Et voilà, il va faire sa douche et il commence très vite la prière et le voilà, masha'Allah, un akh ou une sœur, masha'Allah, yani une ta'ibine ou ta'ibat. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent la sagesse, la sagesse qu'il y a derrière ces choses. Alors que les autres, bien sûr, qui ont un cœur, scellé et des yeux pleins de poussière ou bien des yeux yani, aveuglés, ceux-là, Allah Ta'ala leur donne les plus grands châtiments dans cette vie et ils ne reviennent pas vers Allah. Ils ont le cœur scellé. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiyah. Naam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa huwa al-alim ou al-khabir » Al-alim, l'omniscient. Al-khabir, le parfaitement connaisseur. Et la différence entre al-alim et al-khabir, al-alim, c'est, bon, al-alim déjà on a parlé. Al-alim ici, si les deux mots viennent, les deux noms viennent ensemble, al-alim, ça veut dire celui qui connaît et sait les choses apparentes. Et le khabir, celui qui ya'lam, ya'lam, ya'ni, il sait, ya'lam, les choses qui sont cachées. Et l'alim, le khabir, na'am. Ensuite, il a dit, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yinzilu min samai wa ma ya'ruju fiha. Je vais chercher, inshallah ta'ala, ce verset. Ya'lamu ma yaliju fil ardi وما يخرج منها وما ينزل بالسماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور. نعم. Regardez, يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور. بارك الله فيك. Il sait ce qui pénètre en terre et ce qui en sort et ce qui descend du ciel et ce qui y remonte. Et c'est lui le miséricordieux, le pardonneur. Naam. On va commencer par ce verset, inshallah ta'ala. Il sait ce qui pénètre en terre. Naam. Il sait ce qui pénètre en terre. Qu'est-ce qui pénètre, par exemple, en terre? La pluie. La pluie pénètre en terre. La pluie, quand elle tombe, si la terre n'est pas, et une terre yani fertile, mashallah, l'eau va rentrer. Combien d'eau va rentrer? Allah Ta'ala le sait. Combien de litres, combien de... Yani, tout est écrit dans un livre. Quelle est la terre dans laquelle l'eau va rentrer et la terre qui ne va pas rentrer? Allah Ta'ala le sait. Naam. Avec des détails. Naam. Qu'est-ce qui pénètre aussi dans la terre, par exemple? Les graines. Hein? Quand on va... Yani, pour les semences, etc. On met la graine et elle pénètre dans la terre. Allah Ta'ala sait... Yani, cette graine qui est rentrée, à quel niveau elle est descendue dans la terre, est-ce qu'elle va donner quelque chose, est-ce qu'elle ne va pas donner, tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Il connaît aussi tout ce qu'il y a dans qui pénètre dans la terre, comme les vers de terre, etc. Il connaît tout ce qu'il y a dans la terre, les fourmis qui sont dans la terre, différents serpents qui vivent sous la terre, les morts qui sont dans la terre, sous la terre. Combien il y a de morts sous la terre? Des millions et des millions. Naam. Aucun mort ne peut échapper à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait quand il est mort, à sa seconde exactement où il est mort. Il savait avant qu'il ne meure qu'il allait mourir à ce moment-là. Naam. Tout est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit aussi wa ma ya'ruju fiha. طيب. Pardon, ya'lamu ma yaliju fil ardi. وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا نعم, وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا. Qu'est-ce qui sort, par exemple, aussi de la terre? Par exemple, le blé, les plantes, les arbres, tout ce qui sort de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Les morts qui vont ressusciter aussi. Les morts qui vont ressusciter. Naam. Wa ma yinzilu min sama. Et ce qui descend du ciel. Comment j'ai dit moi, comment j'écris ici en français? Et ce qui descend du ciel. Naam. Et ce qui descend du ciel. Qu'est-ce qui descend du ciel par exemple? La pluie, la neige, les grêlons, tout, oh là, la grêle, pardon, la grêle. Naam, tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. Les anges qui descendent du ciel. Combien il y a d'anges qui descendent? Des millions, voire des milliards qui descendent. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît leur nombre. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Seul lui connaît le nombre de ses soldats. Et les anges sont, yani, des soldats aussi. Ensuite, il a dit, wa ma ya'ruju fiha. Et ce qui monte dans le ciel. Qu'est-ce qui monte dans le ciel? Les anges. Vous savez qu'il y a des anges qui montent et qui descendent. Ceux qui font monter la salat, qui montent toujours à salat al-fajr et salat al-asr. Il y a des anges. Leur travail, c'est quoi spécialement? C'est de faire monter les bonnes actions et les mauvaises aussi, les actions, disons, des serviteurs. Ceux-là, ils montent quand? Ils montent et salat al-asr. Et ils descendent et salat al-fajr. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur demandera comment avez-vous laissé mon serviteur? Donc, celui qui peut, qu'il ne fasse pas, yani, qu'il fasse son possible pour faire la salat du sobh et la salat de asr. Car quand les anges vont monter, ils vont témoigner. Ils vont dire, Ya Allah, on l'a laissé en train de faire la prière. Ya Allah, on l'a laissé, on est monté. Et on l'a laissé en train de faire la prière. Quand on est descendu sur la al-fajr, on l'a trouvé en train de faire la prière. Regarde, masha'Allah, un témoignage comme celui-là, tu ne le trouveras pas avec tout l'or du monde. Naam, des anges qui témoignent pour toi. Yani, si tu aurais donné tout l'or du monde et que, que ce n'était pas vrai, il n'aurait pas fait cela. Tu donnes tout l'or du monde, il n'accepterait pas. Et cela, ils le font, masha'Allah, sans que tu leur donnes rien. Seulement, on essaie, yani, de faire nos salats, inshallah ta'ala, à l'heure. Et qu'est-ce qui monte aussi? Il monte l'arwah. Naam, l'arwah. Nos âmes. Quand quelqu'un monte, pardon, quand quelqu'un meurt, tout le monde connaît le hadith que on va faire monter son âme jusqu'au septième ciel. Et à chaque ciel, à chaque fois qu'il arrive dans un ciel, ce sont les habitants de ce ciel, les anges, qui vont quoi? Ils vont marcher avec lui jusqu'au deuxième ciel, et comme ça. Ensuite, ceux du deuxième ciel vont marcher avec lui jusqu'au troisième ciel, et comme ça jusqu'à ce qu'il arrive au septième. Et dans chaque ciel, il va trouver les âmes des morts des gens qui le connaissent. Et ils vont lui poser des questions, comment vas-tu, comment as-tu laissé X et Y, qu'est-ce qu'il fait? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dont le hadith a été vérifié par Cheikh Al-Albani, a dit que au point où ils demanderont à l'âme, ils lui demanderont, est-ce que X s'est marié? Subhanallah al-Azim. Yani, hatta la question du mariage, yani, subhanallah al-Azim, elle est importante pour les morts. Ils demandent, est-ce que X, yani, des femmes, par exemple, s'est marié? Ensuite, les anges diront, laissez-le, ou bien laissez-la, cette âme, yani. Laissez-la, elle vient juste de quitter la dunya. Elle vient juste, yani, laissez-la se reposer. Elle vient juste de quitter la dunya. Et qu'est-ce qui monte aussi chez Allah subhanahu wa ta'ala? Les du'as. Les du'as. Les du'as. Le kalimu tayyib. Ilayhi yas'adu le kalimu tayyib. Le du'a, quand quelqu'un fait un du'a, ou une du'a, et qu'il a les conditions, vous connaissez qu'il y a des conditions pour faire les du'as, bien sûr, et que c'est le moment opportun, que Allah subhanahu wa ta'ala exauce les du'as. Donc ça monte chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il a dit, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. نعم. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. Je vais d'abord mettre le verset ici. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. 59 الأنعام. J'ai déjà dit à mes frères et sœurs que tout le monde devrait faire son possible pour avoir l'arabe, pour avoir l'arabe, pour qu'ils puissent lire en arabe et ceux qui ne savent pas lire, ils apprennent à lire à force de voir comme ça en arabe, ils apprennent à lire et en même temps, il y a ni comparé entre l'arabe et le français et vous voyez qu'il y a une grande différence quand on lit le verset en arabe que quand on le traduit. Quand on le traduit, ça donne quelque chose de vraiment loin. Malgré qu'on traduit bien, mais ce n'est pas comme l'arabe. Ça ne donne pas le vrai sens. Regardez en français, c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné. Et en arabe, c'est beaucoup plus beau, bien sûr. « وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوْ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. نعم. Donc, regardez ici comment que Allah subhanahu wa ta'ala a commencé le verset. Il a dit « وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. نعم. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. On va commencer par Mafatih et on va revenir à Indahu. Mafatih, les ulama ont dit, c'est l'une des trois choses. L'une des trois choses. Ou bien c'est les débuts, Mafatih. Yani, les débuts. C'est pour ça qu'on dit le Fatiha. Pourquoi le Fatiha, ça s'appelle Fatiha? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pourquoi ça s'appelle Fatiha? C'est le début. Le Coran commence par le Fatiha. La Salat va commencer par quoi? La Salat va commencer par le Fatiha. Naam. On lit d'abord le Fatiha, ensuite il y a autre chose. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a les débuts des choses, les débuts, ça. Ou bien, ils ont dit, c'est les clés. D'ailleurs, ici, vous remarquez, ça a été traduit par les clés. C'est lui qui détient les clés. En français, on choisit une chose et on dit c'est ça. On ne peut pas, comme en arabe, un seul mot, ça s'appelle les homonymes, un seul mot a 4, 5, 6 sens. Non. Alors, ou bien c'est les débuts, ou bien c'est les clés, ou bien c'est les armoires. Allah subhanahu wa ta'ala possède les armoires de telle et telle chose. C'est illimité, illimité. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a les clés, ou les armoires, ou les débuts. De quoi? Al-ghaib, du mystère. Du mystère. De l'inconnaissable. De l'invisible. Subhanallah al-azim. Naam. Regardez comment il a dit ici. Il a dit « وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ». Il a dit « C'est lui qui détient les clés ». Pourquoi il n'a pas dit « Les clés de l'inconnaissable, Allah les détient ». Pourquoi il a commencé par le contraire? Il a dit « C'est lui qui détient les clés ». Il a dit « وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ». Pourquoi il n'a pas dit « مَفَاتِحُ الْغَيْبِ عِنْدَهُ ». Pourquoi? Il y a sûrement une cause. Pourquoi il n'a pas dit مفاتيح الغيب عنده. Pourquoi il dit وعنده مفاتيح الغيب? C'est comme s'il voulait dire que l'ikhtisas, ça s'appelle en arabe l'ikhtisas. Allah Ta'ala veut montrer que seul, vraiment, vraiment, celui a cette chose. Celui. Il n'y a pas un autre avec lui. Vous remarquez, tout le monde sait qu'il y a une grande différence au moins. Au moins en arabe, en français, je ne sais pas. Quand on dit par exemple le livre est chez Omar. Ou bien on dit « Chez Omar et le livre ». Sûrement vous remarquez la différence. Le livre est chez Omar. Non, mais quand je dis « Chez Omar et le livre », ça veut dire c'est c'est plus convaincant qu'il est chez Omar, il n'est pas chez un autre. « Chez Omar et le livre ». Je n'ai pas dit « Le livre est chez Omar ». Non, j'ai dit « Chez Omar et le livre », seulement chez lui. Et c'est la même chose. C'est pour ça on dit tous dans le Fatiha, Iyaka na'boud. C'est toi qu'on adore. Pourquoi on ne dit pas na'boudou Iyak? On adore toi. Car si on dit on adore toi, on peut adorer Allah et en même temps on adore avec lui un arbre ou une tombe ou une statue. Mais quand on dit toi on adore, ça veut dire pas autre chose. Pas autre chose avec toi. Toi seulement on adore. Et c'est la même chose. Il a dit wa indahu mafatihul ghaib. Celui contient, pardon, celui détient les clés, ou là les armoires, ou là les débuts du mystère et de l'inconnaissable. C'est quoi ce mystère et cet inconnaissable que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut, yani, pardon, que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. D'abord, la première des choses, si je puis dire, ou si je puis dire, yani, avant de dire quelles sont ces choses, je veux dire par là que quand on dit que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît ces choses, ça veut dire même le plus parfait des anges, yani, ne peut pas connaître cette chose et ces choses. Et même le plus parfait des messagers ne peut pas connaître cette chose et ces choses. Tout le monde connaît le hadith de Jibril. Lorsqu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Akhbirni an sa'a, parle-moi de l'heure. » Et la fin du monde, c'est quand? Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Mal mas'oulu anha bi'alama min sa'il. » Yani, celui auquel tu as posé les questions, ne connaît pas plus que celui qui a posé la question. C'est-à-dire, ni toi ni moi, on ne peut connaître cette chose. Non, ce sont des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Ces choses-là, que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a citées dans un autre hadith. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a expliquées, mais je vais les donner d'abord dans un verset. Je vais les donner dans... Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que yani, ces choses-là, ce mystère, ces choses inconnues, ce sont le verset, les versets qui suivent. Ça a été expliqué par ces versets. Inna Allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allaha alimun khabir. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué l'autre verset par ce verset. Il a dit la connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Naam. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. On va commencer, inshallah ta'ala, par le premier point. إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ. Naam. إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ. Sa'a, ça s'appelle sa'a en arabe. Naam. Et vraiment, il y a sa'atun azima. Naam. Tout le monde est menacé par son moment et par son arrivée de l'heure et de la fin du monde. Tout le monde est menacé. Les prophètes, les messagers, ils ont peur. Ce jour-là, ils diront, Ya Rabbi, sallim, sallim, sallim, sallim. Naam. Les prophètes trembleront. Naam. Qu'en est-il de moi le miskin et toi le miskin qui est assis en face de moi? Naam. C'est vraiment, vraiment, vraiment très difficile. Sauf, bien sûr, pour qui Allah subhanahu wa ta'ala leur veut du bien et leur a préparé déjà le paradis qui les a tombés azza wa jal. Naam. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, épargnera beaucoup de gens, entre autres, bien sûr, les prophètes, etc. Il les épargnera, et les pieux, les martyrs, etc. Comme ça viendra, inshallah ta'ala, en son moment opportun. Et cette fin du monde, personne ne la connaît. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala la connaît. Tous les gens ont essayé et essayeront jusqu'à la fin du monde de faire des calculs. Et tous les 6 mois, 1 an, ils vont dire, voilà, on a trouvé. La fin du monde sera telle année. Et tout cela n'est que mensonge sur mensonge. Non. Personne ne pourra jamais savoir quand c'est la fin du monde. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, il n'aurait pas pu répondre. Et d'ailleurs, on lui a posé la question, il n'a pas pu répondre. Il a dit, non seulement moi, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ne la connais pas, mais mieux encore, toi, Jibril, tu ne la connais pas. Toi qui es près d'Allah subhanahu wa ta'ala, naam, qui vient tout le temps de lui, tu ne connais pas, c'est quand la fin du monde. Naam. Qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghayba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Et cette fin du monde, à quoi? À bien sûr des grands signes et des petits signes. Maintenant, beaucoup, beaucoup de petits signes ont été déjà vus. Il reste les grands signes, et entre autres, les 10 grands signes de la fin du monde que tout le monde connaît, le Messie Dajjal, le Nar, le Dabba, Ya'juj wa Ma'juj, et les autres. Les 10 grands signes que, jusqu'à présent, aucun signe des 10 n'a apparu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien montré que les 10 signes sont comme une chaîne. Regardez, on a une chaîne autour du cou, et cette chaîne vient d'être, si je puis dire, yani, déchirée. La chaîne, il y a toujours des anneaux, par exemple, dans un fil. Le fil a été déchiré, le premier anneau est tombé. Dès que le premier anneau tombe, tous les anneaux qui sont derrière vont tomber l'un après l'autre. Comme ça a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit les grands signes, dès que le premier signe, et beaucoup disent que c'est le soleil qui va venir de l'ouest. Beaucoup disent comme ça, Allah ta'ala alam, disent dès que vous verrez le premier signe, tous les autres vont se suivre, yani, immédiatement. Peut-être qu'il y aura 15, 20 jours ou là, un mois entre chaque signe, là. Tellement ce sera prêt l'un derrière l'autre. Là, ce sera très très difficile. Naam. Et deuxièmement, il a dit, donc le premier signe, la connaissance de l'heure. La connaissance de l'heure, et alhamdoulilah, qu'on ne connaît pas l'heure. Car si on la connaissait, naam, c'est, yani, si elle était près, ce ne serait pas bien. Et si elle était très loin, ce sera dans 5000 ans, tout le monde va dire donc c'est loin. Donc c'est loin, donc j'ai le temps de profiter, de jouer, c'est loin. Personne ne peut savoir quand est-ce que c'est l'heure de la fin du monde, mais on sait que quoi? On sait que c'est un vendredi, bi'idhnillah azza wa jal. Vous connaissez le hadith sahih, chaque vendredi, yani, les oiseaux, etc., tremblent les cerfs. Pourquoi? Parce que c'est, ils savent que la fin du monde, c'est un vendredi, et ils ont peur que ce soit ce vendredi. Ensuite, il a dit, en français, il a dit, et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. C'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. En arabe, quand on dit le ghayth, ça veut dire izalatu shidda. Izalatu shidda. Yani, quand quelqu'un, par exemple, il est dans une shidda, il est dans une contrainte, etc. Ensuite, on éloigne de lui cette contrainte, il devient avec le cœur apaisé. C'est pour ça que ça s'appelle le ghayth. On dit istaratha. Il a demandé à un autre de lui éloigner, par exemple, ce problème ou cette contrainte, etc. Naam. Et en arabe, ici dans le Coran, ça veut dire le matar, la pluie. Naam, la pluie, il a dit, wa unzilu al-ghayth. C'est la pluie. Et quel est le rapport entre éloigner les problèmes, éloigner la contrainte et la pluie? Car la pluie enlève quoi? Enlève et éloigne shiddat, la sécheresse, il jid, il qaht. Naam. Car quand la pluie tombe, alhamdoulilah, on a le cœur apaisé. Nous qui avions le cœur serré à cause du problème, que ça fait longtemps que la pluie n'est pas tombée, il n'y a ni herbe, ni plante, ni rien. Maintenant, alhamdoulilah, un ghayth nazal, fahadi rahmatun min Allah subhanahu wa ta'ala. Et remarquez que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ou l'a employé ici, le mot, naam, le mot ghayth. Et il n'a pas employé le mot pluie, matar. Si Allah ta'ala a voulu, il aurait dit, c'est lui qui fait descendre la pluie. Mais il a dit le ghayth, la pluie salvatrice. Pourquoi? Parce que il y a des pluies qui tombent, mais ne font rien. Naam. Une pluie peut tomber, mais ne peut pas faire pousser l'herbe. Mais si elle est salvatrice, elle peut, yani, elle fait pousser l'herbe, bi'idhni subhanahu wa ta'ala. Naam. Et la pluie qui ne fait pas pousser l'herbe, on en a besoin que pourquoi? Que pour boire. Mais la pluie ne descend pas seulement pour boire, mais aussi pour faire sortir l'herbe, pour les animaux, pour le pâturage, pour les arbres, pour les fruits, etc. Car si on buvait seulement, ça ne suffirait pas. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit le ghayth. Naam, a dit le ghayth. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, qui est dans Sahih Muslim, il a dit, je vais le lire en arabe, je ne l'ai pas écrit, il a dit, Laysat is-sanatu an la tumtaru, innama as-sanatu an tumtaru وَلَا تَنْبُتَ الْأَرْضُ شَيْئًا. Non? Il a dit, la sécheresse, ce n'est pas le fait que vous n'ayez pas de pluie. Ce n'est pas le fait que la pluie ne tombe pas. Ce n'est pas ça la sécheresse. Mais il a dit, mais la sécheresse, c'est que la pluie tombe et il n'y a rien yani, qui sort de la terre. Il n'y a pas de plantes qui sortent de la terre. Et c'est un hadith authentique. C'est ça la vraie sécheresse. Ce n'est pas que tu boives de l'eau. Non? Mais c'est qu'il n'y a ni blé, ni orge, ni pain, ni fruits, ni à quoi tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire avec de l'eau seulement. Il n'y a même pas le pain, parce que le pain vient de l'orge et le blé. Il n'y a ni blé ni rien. Non. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que yani, la sécheresse, la vraie, c'est quoi? C'est quand il n'y a pas, non, quand il n'y a pas d'herbe, etc. Et ce n'est pas quand il n'y a pas d'eau. Et il y a un hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam où c'est un hadith yani, long. Mais je vous donne seulement yani, ce qui a rapport avec le dars. Ce qui a rapport seulement avec le dars. Regardez ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Naam, bon, je n'ai pas bien commencé. Ça commence par وَلَمْ يَمْنَعُوا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاتَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. Subhanallah al-Azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de parler avec Sahaba radiallahu ta'ala, il leur a dit il y a 4 ou 5 choses. A'udhu billah, qu'elle arrive lorsque vous serez vivant. A'udhu billah, il a dit. Entre autres, il leur a appris que il n'y a pas des gens qui ne donnent pas la zakat, ou l'am yimna'u zakat amwalihim, la zakat de l'argent, s'ils ne vont pas la donner, c'est quoi le châtiment? Illa muni'u al-qatr min sama. Alors Allah subhanahu wa ta'ala ne fera pas descendre l'eau du ciel, pas de pluie. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. Et si ce n'était pas les animaux et les bestiaux, ils n'auraient pas eu une goutte. Non. Donc, si on veut qu'Allah Ta'ala fasse tomber la pluie, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la zakat, faire sortir la zakat avant de lever les bras vers le ciel et demander de faire descendre la pluie. Commence par faire la tauba et fait sortir l'argent de la zakat, ensuite va faire la salade de la pluie. Naam. Et s'il n'y avait pas les bestiaux, les animaux qui n'ont aucun péché, alhamdoulilah, parce qu'eux ils font le tasbih à Allah subhanahu wa ta'ala, on n'aurait pas eu une goutte d'eau. Mais alhamdoulilah que nous vivons, nous qui ne donnons pas la zakat, alhamdoulilah que nous vivons à cause des animaux et des bestiaux. Alhamdoulilah. À cause d'eux, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre de l'eau. Car lorsque les gens ne donnent pas la zakat, Allah ta'ala a proscrit l'eau. Là, il n'y a pas d'eau. Naam. Et dans ce même hadith qui est long, regardez ce que. Il y a une chose aussi qui est très importante ici. Il a dit Ya ma'ashar muhajirin, Ya ma'ashar muhajirin, oh, vous les muhajirin, les muhajirin, ceux qui ont fait la hijra. Khamsu khisal, 5 choses. Idabtulitum bihinna, si jamais yani, ça arrive lorsque vous serez, wa a'udhu billah tudrikuhunna. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, je me réfugie auprès de lui, que vous viviez en ce temps-là. La première, c'est quoi? Regardez la première, je vais vous la citer. Quelque chose, yani, azim, naam. Nadina malo, subhanallah al-azim, la hawla wa la quwwata illa billah. Regardez la première des choses, qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Naam. Et le hadith, bien sûr, le hadith, c'est le 7978 du Sahih al-Jama' de l'Albani. Naam. 7978 de Sahih al-Jama' de Sheikh al-Albani. Il est long, j'ai choisi seulement ce qui a un peu rapport avec le dars. Qu'est-ce qu'il a dit? لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فاش فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن ماضت في أسلفهم الذين ماضوا. أعوذ بالله سبحان الله العظيم. Et les gens ne feront pas la zina. Non, ne feront pas la zina. Hatta yu'linu biha. Et s'ils vont maintenant la faire devant tout le monde, ce n'est pas autrefois, on faisait ça en cachette. Maintenant, devant tout le monde, à la télé, à l'internet, à vidéo, tu vois ça devant tout le monde. Il a dit, s'ils vont faire cela, comme ça devant tout le monde, qu'est-ce qui va se passer? Taoun, c'est une maladie en français très connue, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié Taoun, c'est très connu, c'est une maladie comme la lèpre, etc., très connue, j'ai seulement oublié comment ça s'appelle, et il a dit, et ils seront châtiés aussi par quoi? Et les maladies qu'il n'y avait pas chez leurs ancêtres. Allahu Akbar. C'est quoi? Vous avez compris, hein? Les maladies qu'il n'y a pas chez nos ancêtres. Hein? Le cancer, il n'existait pas chez nos grands-pères, alhamdoulilah. Mais ici, il parle de la zina. Donc, c'est quoi? C'est le sida. Le sida. Le fameux sida, ul'iyadu billah. Le sida qui te fait tomber malade et tu prends le lit et tu attends la mort. Tu prends le lit et tu te fais entourer de médecins et d'infirmiers et d'infirmières qui ne peuvent rien faire. Tout juste s'ils te font un doua, c'est tout. S'ils sont un musulman. Et tu attends en train de maigrir et maigrir avec la diarrhée qui n'arrête pas et la fièvre jusqu'à mourir. Pourquoi? Qui a dit ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لم تظهر الفاحشة زنا في قوم قط حتى يعلنوا بها. Et ils veulent la faire devant tout le monde comme ça, hein? Yani exhiber, hein, devant tout le monde. Réplique, qu'est-ce qui va se passer? الطاعون, la maladie du طاعون, j'ai oublié comment ça s'appelle. Et الأوجاع, les maladies, les maux qui n'ont pas existé chez qui? Chez leurs aïeuls et chez leurs vieux, leurs grands-pères et leurs grands-mères. Naam. C'est pour ça que quand vous entendez des gens dire que peut-être que le sida existait autrefois et que seulement nos grands-pères ne savaient pas, on leur dit non, pardon, vous vous trompez. Le hadith a dit non, a dit que ces choses-là, c'est nouveau à cause des péchés. Naam. Ils vont dire, mais les péchés aussi, ça existait. Naam, mais ça n'existait pas comme aujourd'hui. Ça se faisait en cachette et les gens avaient honte. Maintenant, personne n'a honte. Ceux-là n'ont pas honte et ils ont du plaisir à se montrer ainsi. Et yani, c'est quelque chose de... Yani, sont arrivés dans le... C'est un délit de la civilisation. Aujourd'hui, le djilbab, le niqab, si la femme veut se cacher, c'est quoi? C'est l'obscurantisme. C'est le retour en arrière. C'est l'analphabétisme. C'est l'ignorance. Naam. C'est l'ignorance. Naam. Mais si elle veut se découvrir, si elle veut se dénuder, si elle veut jeter ses vêtements... Voilà qu'elle est mondaine, voilà qu'elle est civilisée, celle-là elle est cultivée, celle-là elle est intelligente, mashallah. Mais l'autre non, c'est comme ça que... La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-adil, c'est tout ce qu'on dit. Ensuite il a dit, wa yunazzilu al-ghayth, naam, on l'a vu. Il a dit, troisièmement, wa ya'lamu ma fil arham, ensuite il reste quoi? Il reste quatrièmement, يَعْلَمُ مَا فِي الْغَدِ, et cinquièmement, on arrête ici, وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَمِ, يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَمِ, c'est-à-dire quoi? Il sait ce qu'il y a où? Ce qu'il y a dans les matrices. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans les matrices. Et seul, Allah subhanahu wa ta'ala, seul lui, sait ce qu'il y a dans les matrices. Personne ne peut savoir ce qu'il y a dans les matrices. Si quelqu'un dit que maintenant, avec l'échographie, on sait ce qu'il y a dans les matrices. La réponse, inshallah ta'ala, la réponse est très simple. Attendez seulement, je vais écrire où on s'est arrêté. On s'est arrêté ici. Naam. On va s'arrêter ici. Belar. Naam. Si quelqu'un va nous dire, mais maintenant, yani avec l'échographie, on sait ce qu'il y a dans les matrices. On va leur dire, écoutez, l'échographie, elle dit, ce n'est rien. L'échographie, c'est un appareil qui te permet de rendre le ventre de la femme transparent, yani, si je puis dire, et tu vois ce qu'il y a à l'intérieur, c'est tout. C'est quand tu vois du trou de la serrure de la porte. Tu vois du trou et tu nous dis, je vois un livre sur le bureau. Je vois, yani, un ballon là-bas devant la fenêtre. C'est la même. Je vois un enfant qui est assis là-bas. L'échographie, ça te permet de voir seulement qu'est-ce qu'il y a dans le ventre, dans les matrices. Mais jamais ça ne te permet que, yani, de savoir si c'est un garçon ou c'est une fille avant que Allah Ta'ala ne dise à l'ange qui demande le quatrième mois, est-ce que je fais de lui un garçon ou une fille, est-ce qu'il sera riche ou il sera pauvre? Vous connaissez les quatre questions. Jamais personne ne peut savoir que sera cet enfant sexe masculin ou sexe féminin avant que Allah Ta'ala ne dise à l'ange. Seul Allah sait. Mais après que Allah Ta'ala ait donné l'ordre à l'ange de faire de lui un sexe masculin ou un sexe féminin, maintenant, si les gens le savent, ce n'est plus un secret. La preuve, ce n'est plus un secret. Quelle est la preuve? La preuve, c'est que l'ange lui-même le sait. L'ange qui a fait de lui un garçon ou une fille, bi-idhnillah, il sait. Alors que Allah Ta'ala a dit, personne ne sait. Donc, Allah Ta'ala parlait d'eux avant de dire à l'ange. Naam. Est-ce que vous connaissez un médecin qui, le premier mois, ou là, les premiers 15 jours, ou là, les 2 premiers mois, peut me dire c'est un garçon ou là, une fille? Si vous connaissez quelqu'un, dites-le moi. Si vous connaissez un médecin qui, le 15e jour, ou là, la première semaine, ou le premier mois, peut dire à la femme c'est un garçon ou là, c'est une fille. Mais Allah Ta'ala sait, avant de créer cette femme, des millions d'années, des milliards d'années, 50 000 ans avant de créer l'univers, savait que cette femme allait avoir un garçon et allait avoir ou allait avoir une fille ou bien des jumeaux. Et autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala, regardez le Coran, c'est ça qui fait la différence entre le Coran quand il est en arabe et quand il est en d'autres langues. Regardez ici le verset, où est-ce qu'il est? Une seconde, le verset. Naam. Est-ce que je l'ai affiché là? Ya'lamu ma fil arham. Naam. Voilà le verset. Ya'lamu ma fil arham. Regardez ce verset. Barakallahu fikoum. Je vais le remettre ici. Ya'lamu ma fil arham. Est-ce qu'il s'est affiché? Je ne le vois pas le verset. J'attends un peu, je crois qu'il y a un décalage. J'attends un peu parce que je vois que personne ne m'a répondu et je ne vois pas en même temps le verset. Donc ça veut dire qu'il y a un décalage. Et la meilleure façon, c'est de sortir vite et de rentrer, inshallah ta'ala. Salam alaykum. Naam, je disais que Allah ta'ala, quand il a dit ya'lamu ma fil arham, ma, c'est quoi? Regardez la différence entre en arabe et en français. Ma fil arham, ce n'est pas man fil arham. Allah Ta'ala n'a pas dit dans le Coran, je connais qui est dans les matrices. Il a dit, je connais qu'est-ce qu'il y a dans les matrices. Ce n'est pas qui. Car si on dit qui, ça veut dire seulement est-ce c'est un garçon ou est-ce c'est une fille, c'est tout. Et Allah Ta'ala a dit qu'il connaissait plus que cela. Il connaît quoi? Il connaît qu'est-ce qu'il y a dans les matrices. C'est-à-dire, il connaît ce bébé, est-ce qu'il y a combien qu'il va rester dans le ventre de la femme? Le médecin ne peut pas le savoir. Il connaît quand il va, exactement à la seconde, il va être né. Le médecin ne sait pas. Il te dit à peu près la semaine prochaine ou là dans un mois, c'est tout. Mais il ne peut pas te dire dans 5 minutes ou là, il ne peut pas. Non. Même il peut, mais il se trompe. Il ne peut pas te dire le médecin si le bébé, quand il va sortir, combien qu'il va vivre. 70 ans, ou là, un jour, deux jours, il va mourir. Il ne peut pas savoir le médecin. Le médecin ne peut pas savoir ce bébé, quand il va grandir, est-ce qu'il sera ingénieur, ou là, imam, ou là, il travaille dans un café, ou là, où est-ce qu'il travaille, ou là, c'est un boulanger. Il ne peut pas savoir. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout cela par détail. Le médecin ne sait pas quand est-ce qu'il va se marier, est-ce qu'il va se marier, il ne va pas se marier, il va divorcer, il ne peut pas savoir ces choses. Il va avoir des enfants, Allah subhanahu wa ta'ala sait cela. Quand est-ce qu'il va mourir, ce bébé, Allah ta'ala sait quand est-ce qu'il va mourir. Le médecin ne sait pas. C'est pour ça qu'en arabe, il faut lire en arabe. En arabe, Allah ta'ala dit, « Wa ya'lamu ma fil arham, ma, li ghayri al-aqil. » Il n'a pas dit « man, man ». Man, ça veut dire « qui ». Et ma, ça veut dire, yani, c'est plus vaste, plus étendu, beaucoup plus. Il connaît tout ce qu'il y a trait avec ce bébé, sa vie, sa mort, sa maladie, sa jeunesse, sa vieillesse, est-ce que sa richesse, sa pauvreté, tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et on avait cité, si vous vous rappelez une fois, le hadith qui montre que, d'ailleurs, même les médecins maintenant avec l'échographie, ils savent par exemple que ce bébé, c'est un garçon ou là une fille. Maintenant, nous, on a montré que ça, ce n'était pas grave et ce n'était rien. Ce n'était rien, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, par rapport à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, maintenant, il a su que c'est un garçon ou que c'est une fille. Est-ce qu'il peut changer quelque chose? Le médecin peut changer. Va faire de l'enfant une fille ou là du... Ensuite, pourquoi? Pourquoi c'est un enfant et pas une fille? Ils ne peuvent pas ni parler dans ces choses, ni commander ces choses. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré dans un hadith sahih, il a dit, Abdullah s'est affiché, il a dit, ma urrajuli abyad. Il a dit, l'eau, c'est-à-dire le liquide séminal, là, entre parenthèses, le sperme. Il a dit, l'eau, le liquide séminal de l'homme, ma urrajul abyad, est blanc. Wa ma ul mar'a, et ce qui sort de la femme après le rapport est jaune, asfar. Fa'idajtama'a, s'ils se rencontrent, les deux eaux, les deux liquides se rencontrent, fa'ala mani urrajul, mani il mar'a, si le liquide de l'homme va se mettre au-dessus, ils vont se rencontrer, il y a un des deux liquides qui va être en haut, l'autre qui va être plus bas. Il a dit, si le liquide de l'homme va être plus haut, bien sûr, dans l'utérus de la femme, bien sûr, il a dit, si le liquide de l'homme qui est plus haut, qu'est-ce qui va se passer? Adkara, ça va donner un garçon. Bi-idhnillah. Wa ida ala man yul mar'a, et si c'est celui de la femme, yani qui va être le plus haut, qui va précéder être en haut, il a dit, unnitha bi-idhnillah, ça donnera une fille bi-idhnillah. Naam, regardez la science de Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les médecins pourront rester des milliards d'années, ils ne trouveront pas une chose pareille s'ils ne se basent pas sur un hadith pareil que nous on connaît depuis années, masha'Allah, combien de siècles. On s'arrête là, inshallah ta'ala, je vous donne le temps de préparer vos questions. Inshallah ta'ala, je souhaite qu'elles aient rapport, si elles n'ont pas rapport avec le dars, au moins avec la aqida. S'il reste un peu de temps, on parlera, inshallah ta'ala, des questions de fiqh, les zawaj, les divorces, etc. Mais commençons, inshallah ta'ala, par la aqida, et encore mieux, parce qu'il y a rapport avec le dars. Barakallahu fikum. Subhanak allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله تعالى في 2 minutes ولا إن شاء الله تعالى. طيب جميل ما تفهمت من القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. On commence inshallah les questions vite. Comme je vous ai dit, on commence par ce qui a rapport avec le dars ou au moins avec ce qui a rapport avec la aqida. Les questions de fiqh et d'autres choses, laissez-les inshallah ou bien pour un prochain dars ou bien à la fin du dars. Tafaddal Abu Sirin inshallah ta'ala. Et ceux qui n'ont pas le point rouge, quand ils ont une question, qu'ils me le disent d'abord. Abu Sirin, inshallah ta'ala, pose ta première question. Assalamu alaikum, mustakum Allah bi khair, alaikum salam, rahmatullah wa barakatuh. Abu Sumeya, naam, sharfin. Naam, Abu Sumeya. Hayyakallah. Wa... Si vous pouvez m'envoyer le numéro de Cheikh Salem Pawil et Cheikh. Le point rouge, tu ne l'as pas. Abou Soumaya, tu n'as pas de point rouge. Je t'ai enlevé tout à l'heure. Non. En ce qui concerne les deux numéros, je ne les ai pas. Le numéro de Salem Tawil, je l'avais, je ne l'ai plus. Et de Cheikh Falah, je ne l'ai jamais eu. Je ne l'ai jamais demandé. Non. Tayyib. Djouariya, tafadali. Djouariya, afoun. طيب أم جويرية بتذكرني بابخت خير إن شاء الله خير إن شاء الله تفضل خير إن شاء الله خير إن شاء الله جفيل ويدي خير إن شاء الله بتذكرني بابخي طيب سلسبيل ست وعليكم السلام خير إن شاء الله تفضل يا خير إن شاء الله Naam. Khair inshallah, as-tu écrit quelque chose? Je ne vois rien. Est-il permis de savoir le sexe de l'enfant avant la naissance? Quand c'est la femme qui va aller chez le médecin, homme, ça n'a pas marché. Ah. Quand la femme va chez un homme pour qu'il lui fasse l'échographie pour qu'elle voit si c'est un enfant, c'est un garçon, c'est une fille, ce n'est pas permis. Non, ce n'est pas permis. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une daroura pour qu'elle aille non, se dévêtir devant l'homme. Ce n'est pas une daroura. Le fait que je sache que ce soit un garçon ou une fille, ce n'est pas une daroura. Non, maintenant, yani, tout le monde voudrait savoir à l'avance, alors que ce n'est pas une daroura. C'est pour ça qu'il n'est pas permis qu'elle aille chez un homme pour qu'il lui dise c'est quoi, c'est un garçon ou c'est une fille. Car le fait de savoir si c'est une fille ou c'est un garçon n'est pas quelque chose de daroura que je dois savoir. Que je le sache ou que je le sache pas, ça ne change rien, inshallah ta'ala. Naam. Selsabil 7. Tafadlali. Reste-t-il des Al-Kitab? Un petit peu de mal à comprendre, car si on ne se soumet pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est mécréant. Sah ou pas? Si oui, qui est considéré comme Al-Kitab? Sachant que les chrétiens et juifs ne croient pas en la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pouvez-vous m'éclaircir? Barakallahu fikum. Naam. L'Ort Selsabil, ou l'Al-Ar, je ne sais pas, mais c'est plutôt peut-être l'Ort. Ahlul Kitab, les gens du livre, ce sont les chrétiens et les juifs que tu rencontres dans la rue si tu es en Europe. Et si tu as le téléviseur, ce sont les juifs que tu vois qui sont en train de tuer les Palestiniens. Ceux-là, ce sont qui? Et les chrétiens. Lorsque tu les vois partir à l'église, et le dimanche ou le samedi, non, c'est plutôt le dimanche, ceux-là, ce sont Ahl al-Kitab. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés et qui, avant qu'ils ne falsifient leur livre, savaient qu'ils allaient le falsifier. Et après l'avoir falsifié, Allah ta'ala les a appelés Ahl al-Kitab. Qul ya Ahl al-Kitab, ta'alaw ila kalimatin baynana wa baynakum. Oh vous, gens des livres, venez à, yani, une parole qui soit commune entre vous et nous. Allah Ta'ala les a appelés Ahl al-Kitab. Naam. Ma yawuddu alladhina kafaru min al-mushrikin min Ahl al-Kitab wala min al-mushrikin an yunazzala alaykum min khayr min rabbikum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali ibn Abi Talib, il lui a dit ce sont des gens de Ahl al-Kitab. Attention, commence avec eux par shahada, ensuite s'ils te suivent dis-leur la salat, la zakat et comme ça. Donc les chrétiens qu'on voit et les juifs qu'on voit devant nous, avec nous, dans la rue, ce sont ceux-là, Ahl al-Kitab, desquels il est permis de se marier avec leur fille. Naam, ce sont ceux-là, desquels il est permis de se marier avec leur fille et de manger leur viande, et de manger leur viande, sauf si on voit que il n'égorge pas la viande. Si on voit qu'il lui coupe directement la tête comme ça, ou bien il frappe la poule ou la vache avec une massue, celui-là, je ne mange pas sa viande. Naam. Ce sont donc ceux-là, Ahl al-Kitab, Inch'Allah, et c'est ce que disent Ahl al-Sunna ou Jama'a, contrairement aux autres sectes. Naam. Tayyib, Abu Ahmed Tafadzal. Les autres, si vous avez des questions, vous me dites, vous qui n'avez pas le point rouge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa maghfiratuhu. Ya Abba Ahmed. Attends que je t'envoie une fleur. Hein? Attends, on commence par la fleur, après on va voir. Non. Mais seulement la fleur n'a pas d'odeur. Hein? C'est dommage. Tayyib. Pouvez-vous répéter le hadith dans lequel vous avez cité quand une personne meurt, d'autres gens meurent, se réunissent autour de lui et lui demandent des nouvelles de Foulan et Foulan. Naam, c'est un hadith que Cheikh Al-Albani a dit, ou bien bon ou bien authentique. Inch'Allah ta'ala, je suis en train de te parler et je vais te chercher très vite où est-ce qu'il est, bi'idhnillah azza wa jal. Où est-ce qu'il est? Il faut d'abord que je me rappelle dans quel cahier je l'ai écrit, parce que je note comme ça des choses dans des cahiers. Naam. Donne-moi une seconde, inshallah ta'ala. Tawhid, n'fitam. Où est-ce que j'ai dû écrire ce hadith? Prends une seconde. Tayyib, ce n'est pas ici. Naam. Dans le deuxième cahier, là. Qu'est-ce que tu as dit, Abu Ahmed? Continue, Allah. Qu'est-ce que tu as dit? Allah l'Azim, hein? Naam. Allez. Tayyib, très important. Naam. Om Jouairia. Ah, pardon. Om Jouairia, attends, Inch'Allah, attends. Je suis en train de chercher quelque chose de très important. Subhanallah l'adim, j'ai pas trouvé le cahier, mais peut-être que une seconde ici dans le programme du Cheikh Al-Albani, une seconde là. Non, une seconde. كيف تركتم وهل فلانة تزوجت فلانة شيعه لحظة donc je vais te chercher ici dans un hadith, peut-être que inshallah ta'ala je le trouve. تزوجت bon, attends, je vais choisir un autre mot. Da'wa. Non, ça fait beaucoup. Tayyib, Abu Ahmed, je te chercherai, inshallah ta'ala, le hadith, mais il est, comme je t'ai dit, a été vérifié par Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que inna a'malakum, na'am, pardon, il y a deux hadiths, je vous ai cité aujourd'hui, le deuxième, na'am, il a dit, quand quelqu'un meurt, les anges prennent l'âme du mort et montent vers les cieux. À chaque fois qu'ils arrivent dans un ciel, il a dit les habitants de ce ciel suivent cette âme jusqu'au deuxième ciel, et il a dit, et ils commencent à lui poser des questions. Où est X, où est Y, et est-ce que X et Y se sont mariés? Est-ce que X et Y sont mariés? Et il a dit que, ensuite ils vont lui citer une personne, et le mort va dire quoi? Va dire, cette personne est morte avant moi. Alors ils vont dire, donc elle est partie chez sa mère, l'Hawiya, qui est l'enfer. Elle est partie chez sa mère, l'Hawiya. Car cette personne a été morte avant toi, elle n'est pas passée par nous. Car ce sont seulement les pieux, etc., que Allah Ta'ala leur fait cette chose. Naam. Inch'Allah Ta'ala, le hadith, comme je t'avais dit, je l'ai quelque part dans un de mes cahiers, avec le numéro, naam, avec le numéro et le livre aussi. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas. Je crois que je l'ai ailleurs. Inch'Allah Ta'ala, naam, Inch'Allah Ta'ala, dès que je l'aurai, la prochaine fois, Inch'Allah, je l'aurai avec moi, bi'idhnillah. Tayyib, c'est quoi ensuite? Oum Jouiria n'a pas avec le sujet, mais très important. Tayyib, Oum Jouiria, je te laisse, Wasmo, je te donne pas le point rouge, mais tu attends, Inch'Allah Ta'ala, on termine avec les questions qui ont rapport avec le cours. Je te fais la faveur de ne pas te donner le point rouge. Mohamed 0504, tafadlal. Naam Mohamed, c'est ce que je viens de dire. Est-ce que l'on peut considérer les juifs ou les chrétiens al-kitab? Naam. Si tu ne les considères pas, si tu ne considères pas les juifs et les chrétiens de nos jours comme ce sont les gens de al-kitab, khlas, tu n'es plus de al-sunna ou al-jama'a. Ça veut dire on est ou bien takfiri ou bien kharijite ou bien je ne sais pas quoi. Il faut les considérer comme ce sont... Naam. Allah Ta'ala, qui savait et qui a su qu'ils ont falsifié leur livre, il a dit قُلْ يَا أَهْلِ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَى كَلِمَةٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. Après la falsification, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali radiallahu ta'ala anhu, il lui a dit tu vas rencontrer les gens de أَهْلِ الْكِتَابِ. Naam. Donc, il faut les appeler أَهْلِ الْكِتَابِ si tu veux avoir le minhaj de Ahl Sunnah ou le Jama'a, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Je dis bien après la falsification, pas avant. Après la falsification, ils sont appelés Ahl Kitab et l'un des derniers versets que Allah Subhanahu wa Ta'ala fait descendre, lorsqu'en parlant d'eux, et il a parlé de leurs femmes. Il a dit Hidlun lakum. Naam. Naam. Il a permis les femmes et le manger de Ahl Kitab dans l'un des derniers versets qui sont descendus, Ma'ida. Et il les a appelés Ahl Kitab, après toutes les falsifications qu'ils ont faites sur leur livre. Naam. Fika barakallah. Il est 1406. Tafadlali. Il est barakallahu fik. Essaye de le recopier en plus grand. Barakallahu fik. Et moi, en même temps, je suis en train de chercher ce que m'a demandé l'Akh Abou Ahmed. Et j'attends, Hilal, Inch'Allah Ta'ala, que tu écrives en plus grand. Barakallahu fik. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais savoir, l'ange de la mort, quand il va venir prendre notre âme, vient-il sous forme humaine? Avons-nous dans la semaine description, est-ce vrai que quand une personne, son heure va bientôt arriver, il y a des signes, ou même en rêve, elle peut voir? Pour la première question, l'ange de la mort ne vient pas en forme humaine, mais il vient en ange. Naam, il vient en ange. Aucun hadith ne dit qu'il vient en forme humaine. Il vient avec sa vraie, yani, comme Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala, l'a créé. Naam. Et quant à, est-ce qu'une personne peut savoir son heure, est-ce qu'il y a des signes, etc., peut voir ça en rêve, c'est très rare. Naam. C'est très rare, car Allah Ta'ala a dit que personne ne savait quand il allait mourir. Personne ne savait quand il allait mourir. Mais des fois, des gens racontent comme ça des choses et qui concordent avec ce qui s'est passé. Des fois, quelqu'un qui meurt aujourd'hui, on rencontre son père, il va nous dire, Subhanallah, hier il a dit, demain je ne serai plus avec vous. Demain, il se passera ça. Demain, je serai chez Allah. Et comme ça. Naam. Se basant sur ces choses, sur des choses pareilles, certains ont dit que quelqu'un peut yani, plus ou moins sentir, ou alors dire des choses comme ça, qui concordent avec la vérité. Mais يعني يجزم quelqu'un dise خلاص demain moi je vais mourir l'après-midi ou là ça s'est jamais passé ça se passe jamais personne ne peut savoir quand il va mourir نعم والله سبحانه وتعالى أعلم أم جيت تفضلي Majid, salam alaykoum, alaykoum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Ma grand-mère est décédée il y a 10 ans en France et nous l'avons transportée pour l'enterrer en Algérie. Par ignorance, on a fait comme la plupart des gens, pour construire une tombe. Naam, continue, inshallah ta'ala. Je crois qu'il n'y a pas encore la question. Pose la question, inshallah. Naam, si, Umm Majid, si vous savez, je dis bien avec cette condition, Naam, à démolir, je dis bien avec la condition qui va suivre. Si vous savez qu'en la démolissant, il ne va pas y avoir de fitna, c'est-à-dire ne pas rentrer en prison, ne pas yani, avoir des fitna avec les gens, ne pas avoir la fitna avec la mairie. Ne pas avoir la fitna avec la police et la gendarmerie. Ne pas être photographié et être dans les journaux. Dans les journaux Liberté, le matin, le soir, l'horizon. Si tu es sûr que rien de cela ne va se passer, il est permis. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali lui a dit, il n'y a pas une tombe que tu trouves comme ça, yani, construite. Il l'a, yani, démoli là. Et ça c'est permis, mais à condition quoi? Lorsque le prophète a dit à Ali, il n'y avait aucune fitna, c'est lui qui commandait. Mais maintenant si quelqu'un va démolir une tombe et va être photographié dans les journaux et va se trouver en prison, il vaut mieux qu'il ne fasse pas. Il vaut mieux qu'il ne fasse pas bi'idhnillahi azza wa jal. Le fait déjà de le regretter, naam, je crains pour cela, je demanderai pas ça, naam. Mais Umm Majid, le fait déjà de regretter, le fait d'avoir les remords et le fait d'avoir été ignorant lorsqu'on a fait cela, Inch'Allah Ta'ala, ça peut être une excuse. Parce que premièrement, on l'a fait dans l'ignorance et deuxièmement, on regrette. Deuxièmement, on regrette. Naam. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala A'lam. Noura Muslima, tafadhali. Et les autres, si vous avez une question, ceux qui n'ont pas le point rouge, qu'ils me le disent. Subhanallah al-Azim. J'ai pas trouvé où est le hadith de Sheikh Albani l'Irma. Naam. Tayyib, Abu Ahmed, tu es là, alhamdoulilah, je te vois. Je viens de me rappeler que ce que j'ai écrit sur Sheikh Albani l'Irma, le hadith dont je t'ai parlé tout à l'heure, ne se trouve pas dans un de mes cahiers. Il se trouve dans un de mes feuillets. J'ai des cahiers et j'ai des feuilles. J'ai des feuilles comme ça réunies. Ils se trouvent dans des feuilles que j'ai dans le travail. Inch'Allah ta'ala, bi'idna ta'ala, le prochain dos qui est demain après demain, si je n'oublie pas, je le ramènerai, Inch'Allah ta'ala, du travail. Naam. Est-ce que les morts le ressentent? Non, ils ne ressentent. Comment ils ressentent? Ils ressentent quoi, yani, si on démolit la tombe, est-ce qu'ils ressentent? Si c'est ça la question? Naam, Hajar, après elle, pose la question. Qu'est-ce qu'ils ressentent, l'Ort? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Le mal qui a été fait. Non, le mal, ce n'est pas eux qui vont le payer. Naam, payera le mal celui qui l'a fait. Wa la taziru wa ziratun wizra ukhra. Si la femme a dit avant de mourir, n'a pas dit construisez une tombe sur moi et que vous avez construit, naam, c'est seulement vous qui avez les péchés, pas elle. Elle n'a rien à voir dans cette affaire parce que ce n'est pas elle qui a demandé qu'on construise cette tombe. Naam. Alhamdulillah. Et vous, Inch'Allah Ta'ala, vous l'avez fait par ignorance et deuxièmement, vous avez regretté. Naam. Nora Muslima, attends juste une seconde, inshallah ta'ala. Attends juste une seconde, inshallah ta'ala. Allah yajazik khair. Hajar, pose une question, inshallah. طيب أم هاجر ensuite نورا مسلمة ensuite on revient أم جويرية parce que les questions ont commencé à sortir de la part. السلام عليكم. Est-ce que ce hadith est صحيح؟ الجنة تحت أقدام الأمهات من شأن من شأن أدخلنا ومن شاء خرجنا من شاء من شاء أدخلنا ومن شاء خرجنا. Ce hadith n'est pas vrai. Ce hadith n'est pas authentique. Et il y a un autre qui est très connu, qui est très connu, il dit, le hadith dit, Al-Jannatu tahta aqdam al-ummahat. Comme ça, sans dire, Menchaa adkhalna, Menchaa kharajna. Il s'arrête là. Il dit, Inna al-Jannata tahta aqdam al-ummahat. Beaucoup de frères et des sœurs et de musulmans se basent sur ce hadith. Ils disent, le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam a dit, le paradis se trouve sous les pieds des mères. Et ce hadith est faible, comme a dit Sheikh al-Albani, dans Silsila Sahiha ou bien Daifa. Je crois que c'est dans Silsila Sahiha qu'il a montré qu'il était Daif, dans la marge. Mais le hadith qui est authentique, c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à quelqu'un, il lui a dit, en lui parlant de sa mère, il lui a dit, Elzimha, yani soit collé à elle, soit collé à ta mère, Elzimha, fa inna al-jannata tahta qadamiha. Soit collé à elle, yani obéis-lui là, obéis-là, etc. Inna al-jannah, le paradis se trouve sous ses pieds. Donc, de là, on peut tirer, comme ça en général, que ça, en effet, le paradis se trouve sous les pieds des mères. Car le prophète alayhi salam lui a dit, le paradis se trouve sous les pieds de ta mère, en parlant de quelqu'un. Mais on doit bien montrer aux gens que, yani, les mots, Le texte, il n'y a pas un hadith qui dit le paradis est sous les pieds des mères. Si quelqu'un dit comme ça, on lui dit non, il n'y a pas un hadith qui dit comme ça. Mais le sens est vrai. Le sens est vrai. Naam, d'après le hadith où le prophète alayhi salam a dit à quelqu'un le paradis se trouve sous les pieds de ta mère, ça veut dire que le paradis se trouve sous les pieds de tous les mères. Mais il n'y a pas un hadith qui dit le paradis est sous les pieds des mères. Inch'Allah ta'ala, j'espère que vous avez compris. Il y a la différence entre les deux choses, entre les deux choses. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Le frère est malade du cancer du bassin, qu'est-ce que vous proposez comme remède à part les docteurs et les hôpitaux? Wallah, je ne connais pas à part que yani, il essaye la ruqya, il essaye la hijama, il essaye tout ce qu'il y a en islam. Il essaye le miel, il essaye le hijama, il essaye la ruqya, il essaye yani, le quai, même le quai. Vous connaissez qu'est-ce que c'est le quai, hein? Le fait de se brûler. Naam, le fait de se brûler. Tout ça, il l'essaye, incha'Allah ta'ala, as-Allah subhanahu wa ta'ala an yishfiyah. As-Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yishfiyah. On yishfi jami' al-mu'minin wa jami' ikhwanina wa akhawatina. On revient à Noura Muslima, ensuite Jouairia. Ensuite on revient encore une fois ceux qui n'ont pas les points rouges. Tafazali. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Une femme peut-elle voyager pour étudier la religion sans mahram? S'ils ne veulent pas l'accompagner, barakallahu fikum. Je sais qu'une femme peut voyager sans mahram quand c'est pour faire la hijra. Quand c'est pour faire la hijra, si elle sait que là-bas, il y a des gens qui l'attendent, etc., elle peut la faire sans mahram comme l'a fait Umm Kulthoum et comme l'a fait Zainab, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme Allah ta'ala dit dans le Coran, yani, l'aya que j'ai lu tout à l'heure. Naam. Mais à part cela, de préférence qu'elle ne fasse pas. Je sais qu'elle parle pour Talib al-Ilm. J'ai dit que de préférence, elle ne parte pas pour Talib al-Ilm, sauf si vraiment, yani, c'est à l'intérieur d'une grande ville. C'est une grande ville et ce n'est pas, elle va traverser, yani, comme ça, des villes et des villes pour arriver là-bas. Car, Talabul ilm farida. Maintenant, l'ilm, c'est beaucoup plus facile qu'autrefois. Maintenant, sans faire tous ces déplacements, on peut beaucoup apprendre. seulement par Internet, il y a des cours d'arabe, il y a des cours d'aqida, il y a des cours de tafsir, il y a des cours de hadith, il y a des cours de tajwid. C'est seulement par Internet, en restant à la maison. Et encore, quand on va voyager, on ne sait même pas encore chez qui on va demander l'ilm. Peut-être que ce sont des gens qui ne sont même pas du minhaj. Ils vont apprendre un mot qui est juste et 10 autres choses qui sont faux. Donc de préférence, elle part avec quelqu'un qui est mahram. C'est ce que je sais, ce que disent le plus grand nombre des ulamas. Comme un étudiant de Cheikh Albani qui est à Bruxelles. Naam, il n'est pas possible d'y aller, sachant que c'est un petit voyage. Combien qu'il y a de kilomètres? Combien qu'il y a de kilomètres entre où tu es et celui de Bruxelles? Combien qu'il y a de kilomètres? Naam. Un peu plus de 100, Cheikh Ibn Baz Lahmo a dit 80 km, c'est un voyage. Il a dit, si elle fait plus de 80 km, on a fait un voyage. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Je dis Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mais il y a beaucoup maintenant, yani, d'issues, bi'idna ta'ala, pour apprendre le din. Naam. Il y a beaucoup, yani, d'issues pour apprendre le din. Et de toute façon, avec cet élève de l'Albani, ça ne va durer qu'un petit temps, peut-être une semaine, peut-être 3 jours, peut-être 15 jours. Ensuite, yani, ça ne va pas suffire. L'essentiel, c'est que d'être tout le temps avec les cours bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Jouayriya tafadhali. Dans quelques jours, il repart, inshallah. Naam. C'est juste, elle va assister juste quelques cours. Yani, 4 ou 5 ou 6 cours. C'est tout, naam. Et ce n'est pas suffisant, bidna subhanahu wa ta'ala. Jouayriya, tafadhali. Taïe, peut-être qu'elle n'est pas prête, Jouayriya. Outhmane, tafadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Est-ce que le kuffar monte lui aussi jusqu'au 7e ciel? Le kafir ne rentre même pas dans le 1er ciel. Le kafir ne rentre et n'arrive même pas. Quand il arrive au 1er ciel, ils vont essayer d'ouvrir et les anges ne vont pas accepter et ils vont le jeter. Naam. Ils vont le jeter du ciel et il va tomber dans sa tombe ou l'ayyadu billah. Allah Ta'ala dit dans le Coran, إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. Les portes du ciel, des cieux, ne leur seront pas ouvertes. لا تفتح لهم أبواب السماء. Donc les kuffars, Allah Ta'ala ne leur ouvrira pas les portes. Naam, les portes, masha'Allah, fermées, scindées, personne, aucun kafir n'a le droit d'y rentrer. Il sera jeté d'en haut. Il sera jeté d'en haut pour qu'il tombe dans sa tombe qui se trouve, où? Qui se trouve, l'ayyadu billah, yani, sous la terre. Naam. Il va tomber dans la tombe qu'on lui a creusée et de là, il va descendre pour aller en prison, ici, djinn, dans la 7e terre, où l'ayyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala afiya. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre les portes du paradis et qu'il nous fasse mourir croyants et croyantes. Amin, amin. Ibn Omar, tafadhal. Naam, Jouayriya, naam. Samahakillah. Samahakillah. Pose ta question, Jouayriya. Depuis tout à l'heure, on appelle. Où est-ce qu'elle est, Jouayriya? Où est-ce qu'elle est? Tafadhali. Tafadhali, Jouayriya. Ibn Omar, attends juste une seconde. Barakallahu fik. Je crois que Jouayriya ne peut pas poser la question parce que c'est plus de 5 lignes. Quand c'est plus de 5 lignes, ça ne peut pas être affiché. Le temps qu'elle essaye, Ibn Omar, tafadhal, juste pour ne pas perdre de temps. Je voudrais savoir si un homme dit à sa femme sans intention et par erreur le divorce, est-ce que ça compte? Ça ne compte pas, Inch'Allah. Ça ne compte pas si c'est par erreur. ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. نعم. Quand on fait une chose par erreur, ça ne compte pas. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Donc si un homme dit à une femme, tu es divorcé par erreur, il ne voulait pas dire cette chose. Il l'a dite, ça ne compte pas, Inch'Allah ta'ala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخ من في مصر وعمري 21 سنة. أريد منكم نصيحة بارك الله فيكم. نعم. Je donne à ce frère la nasiha. C'est de. La nasiha c'est de quoi? C'est de يعني, faire tous les efforts pour rester Inch'Allah ta'ala dans le vrai chemin. Le chemin يعني, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a tracé, alhamdulillah, et montré. نعم. الصعوبات في إقامة ديني مع والدي يمنعونني من كثير من الأشياء كما صاحب الإخوة السلفيين نفس الملابس الشرعية وكنت أردت الزواج من أخت لكن منعوني وهم يريدان زوج من ابنة العم رغم عندي رغم عني ويريد أن أتعلم اللغة العربية في بلد إسلامي لكنهم يرفضان وهم لا يعتمدان علي في عيشهم يعني تبي يعمل هم مسلمان لكن يمنعاني من إقامة ديني على الوجه الصحيح ولا يمنع إخوتي من تبرر الاختيار واستماع الأغاني إلى آخر ذلك. نعم. Donc celui-là il a écrit en arabe. Je crois qu'il veut la réponse en arabe. Je crois que celui-là il veut la réponse en arabe. N'est-ce pas Abou Sirin? Il veut la réponse en arabe hein, puisque il t'a écrit en arabe. Comme Joueria, si c'est par énervement, naam, si c'est un petit énervement, juste un petit énervement, et il le dit, ça compte. Mais s'il est énervé au point où il ne sait pas ce qu'il dit, ça ne compte pas. Mais si c'est juste un petit énervement comme ça, et il le dit, ça compte. Ça devient divorce. Mais si c'est un énervement au point où il ne sait pas ce qu'il dit, ce sont des mots qui sortent comme ça sans qu'ils puissent se contrôler. Ça ne compte pas, Inch'Allah ta'ala. Naam, je demande à ce R qu'il fasse la hijra, s'il peut, naam, qu'il fasse la hijra, puisque ses parents ne vivent pas, c'est pas lui qui les fait vivre, puisqu'il travaille, etc. Il peut faire la hijra, même s'ils ne sont pas d'accord, même si ses parents n'acceptent pas, il peut faire la hijra pour sauver sa peau, sauver son islam et rentrer au paradis. Naam. C'est pour ça que les ulama ont dit qu'on ne peut pas faire la hijra si c'est nous qui nous occupons de notre mère, par exemple, ou de notre père. C'est nous qui travaillons pour lui. Ou là, il est malade, il a besoin de nous. Mais s'il n'est ni malade, ni il a besoin de nous, il travaille, etc., on peut faire la hijra même s'il n'accepte pas. Allahu Azza wa Jal a'lam. ابن عمر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ. Une sœur pendant شيخ. Une sœur pendant la salat, elle était en sujoud. Son bébé qui était sur le lit à côté d'elle a uriné sur son voile. Il boit du lait. C'est un garçon. La sœur a terminé sa salat comme ça. Barakallahu fik. Je répète, une sœur, pendant la salat, elle était en sujoud. Son bébé, qui était sur le lit à côté d'elle, a uriné sur son voile. Et il boit du lait. C'est un garçon. La sœur a terminé sa salat comme ça. C'est valable, barakallahu fik. Cette sœur, Inch'Allah ta'ala, doit refaire sa salat. Elle doit refaire sa salat s'il a uriné sur le voile qu'elle portait dans la salat. C'est comme ça que je comprends. Il a uriné sur son voile, c'est-à-dire le voile qu'elle portait sur la tête. Donc, elle a fait la prière avec un voile, naam, elle a fait la prière avec un voile qui était mouillé par l'urine. Et elle ne peut pas. Naam, elle ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'elle doit? Elle doit refaire la salat à cause de cette chose. Car elle ne peut pas faire la prière avec quelque chose où il y a l'urine. Et encore, elle savait si... Lorsqu'elle a terminé la salat, elle a trouvé l'urine, elle ne savait pas. Dans ce cas, elle ne refait pas la salat. Parce qu'elle n'a découvert la chose qu'après avoir terminé la salat. Mais maintenant, en plein salat, elle a su qu'il venait d'uriner, etc. Donc, dans ce cas, elle doit, inshallah ta'ala, refaire la salat, cette salat, bi-idhnillahi azza wa jal. Naam. Mahmoud 621, tafadhal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Je voulais savoir comment se déroule une cérémonie de mariage dans la sunna. Est-ce que l'on peut autoriser sa femme à se rendre à une cérémonie de mariage où les femmes vont se retrouver ensemble et mettre de la musique, danser, s'amuser, malgré qu'il n'y a pas la présence d'hommes? Non. On ne doit pas laisser sa femme aller dans une cérémonie où il y a le haram. On ne doit pas laisser la femme aller dans une cérémonie où il y a le haram. Et si elle avait assez de foi et de piété et de peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si le mari lui permettait, elle n'irait pas. Si le mari lui dit, va demain, il y a une fête et il y a la musique, etc., elle lui dit, taqillah, et taqillah, mon mari, taqillah, tu veux que j'aille faire le haram? Tu n'as pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu prennes aussi toi des péchés pour m'envoyer là-bas. Donc, personne n'a le droit de laisser sa femme et elle-même n'a pas le droit d'y aller. Donc, d'aller dans une cérémonie où il y a la musique, etc. Et peut-on autoriser sa femme à aider à préparer le repas dans un mariage où il y a de la mixité, de la musique comme... Regarde, en général, quand c'est un mariage où il va y avoir le haram et la musique et la mixité, etc., en général, on essaye de ne pas participer, ni de près, ni de loin. Naam. Ni de préparer le manger, ni de donner à boire, ni de rien. On essaye de sauver sa peau et de trouver des excuses pour ne pas y aller ce jour-là, ou bien pour ne rien faire avec eux, ni préparer, etc. Naam, on trouve des excuses. Et quand quelqu'un est pratiquant, tout le monde, ou alhamdoulillah, tout le monde le respecte. Et même les gens eux-mêmes, subhanallah, quand ils savent que tu pratiques, les gens eux-mêmes ne t'invitent pas. Ils disent, c'est pas la peine d'inviter X, parce que c'est quelqu'un qui pratique, il n'aime pas la musique et la mixité, il ne va pas venir. Et même les femmes, moi j'ai entendu des femmes dire à ma femme, etc., on lui dit, voilà, on sait que tu ne vas pas venir, etc., c'est pour ça qu'on te dit seulement que c'est tel jour la fête, mais on sait d'avance que tu ne vas pas venir. Et c'est juste pour qu'elle ne s'énerve pas. Naam, ce sont les gens qui te respectent et qui ne t'invitent pas. Ils savent que tu n'assistes pas à des choses, ces choses pareilles de haram. Donc si elle peut ne pas préparer le manger, yani, qu'elle ne le fasse pas pour qu'elle ne participe pas. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Khaj, tafadhali. Naam, on va s'arrêter, inshallah ta'ala. Hajar, après Khaj. Salam alaikum, Meshir. A-t-on le droit dans la prosternation de faire nos doigts personnels dans notre langue, autre que l'arabe? Barakallahu fik, Meshir. Moi, j'ai lu une fois une fatwa de Cheikh Ben Baz Lahmou où on lui a demandé est-ce qu'on pouvait faire des doigts comme ça en général. Est-ce qu'on pouvait faire des doigts avec d'autres langues. Il a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème qu'on pouvait faire avec n'importe quelle langue, d'après la langue yani, qu'on nous a appris quand on était bébé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous faites la prosternation, vous êtes le plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors profitez pour faire des doigts. Donc, quand on fait la prosternation, on commence par subhanabil a'la, ou bien subhanabil a'la ou bihamdihi, au moins 3, 4, 6, 10 fois, je ne sais pas combien, on fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si on ne connaît pas l'arabe, on fait des doigts avec la langue qu'on connaît. On fait des doigts avec la langue qu'on connaît. Laysa fi haraj bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Fattakullah mastata'atum. Sinon, la personne sera privée au meilleur endroit de faire des doigts. Le meilleur endroit où on fait des doigts, c'est quand on est prosterné. Maintenant, si je ne peux pas le faire avec une autre langue, ça veut dire que je vais être privé des doigts dans les meilleurs endroits. Subhanallah. Et ça, c'est à l'encontre de la charia. والله سبحانه وتعالى أعلم، الله تعالى يبلي صابه. أم هاجر تفضلي. ابن خليل تفضل، prépare toi après Abu Hind. Pardon, c'est Abu Hind après Ibn Khalil, oui. أم هاجر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Je suis la soeur que vous avez conseillé la dernière fois, si je m'en marie, qui faisait partie de la Jama'at Tablir et qui me faisait subir des tortures. Naam, lors des ruqyas sans science et sans la pratique de la sunna, vous m'avez conseillé de trouver un frère du ménage pour me représenter. Seulement, je ne peux pas trouver ce frère comme cela et ici, et je ne connais aucune. Je ne connais pardon, aucune sœur du ménage, car mon mari ne me laisse pas les côtoyer. Il accepte mon tuteur qui m'a marié, mais lui aussi fait partie des tablières. Et c'est comment je puis-je faire, étant donné qu'aujourd'hui, je suis très faible et très fatigué, paralysé des jambes, à cause de ma maladie. Non. Mon mari n'accepte pas de me divorcer, il cesse de me parler. Pardonnez-moi, chef, la langue de ma question. Non, subhanallah al-azim. La sœur, elle dit, la sœur. Où est-ce qu'il est son père? Où sont ses frères? Où sont ses oncles? Je lui pose la question. Où est le père de cette femme? Où sont ses frères? Où sont ses oncles? À Moma, où est-ce qu'ils sont? Pour la défendre, pour être à ses côtés. Où est-ce qu'ils sont? J'attends la réponse, Allah Ta'ala. Où sont tes frères? Où sont tes oncles? Subhanallah al-Azim, comment qu'il n'y a personne? C'est ça l'avantage, elle est convertie. Ah, naam, elle est convertie. Naam, elle est convertie. Mais ça n'empêche pas qu'elle peut demander de l'aide à ces gens-là. Naam, elle peut demander. Ah, sa famille est contre elle. Allahu Akbar. Ça, c'est autre chose. Naam, ça, il ne reste que quoi? Il ne reste que, yani, qu'elle aille, yani, chercher quelqu'un qui puisse la représenter. Elle peut aller dans une ambassade. Là, comment ça s'appelle ça, un centre là, où elle doit aller à la grande mosquée demander, naam, d'une façon yani, officielle, quelqu'un qui puisse la représenter, un imam officiel ou là, qui puisse la représenter et parler avec elle. Et ça. Je sais que c'est très difficile. Si elle était dans un pays musulman, ça aurait été facile. Elle va au tribunal et le tribunal va appeler son mari et trouver avec lui une solution. Naam. Je ne peux pas marcher. Naam. Wallahi, je ne sais pas comment elle doit faire. Yani, si elle, je ne peux pas sortir. Naam. Si elle voit comment on peut l'aider, Inch'Allah Ta'ala, on ne sera pas avare pour l'aider. Inch'Allah Ta'ala, si on peut l'aider, on ne sera pas avare pour l'aider. Il faut qu'elle cherche comment trouver une solution. Yani, pour que quelqu'un, طيب هذه la sœur Om Hajar, tu lui dis que elle garde contact avec subhanallah ta'ala des sœurs, ensuite pour voir où elle habite, ensuite quand vous savez maintenant où elle habite, vous voyez qui est le plus près d'elle. Par exemple, si par exemple telle sœur ou la c'est elle la plus près d'elle, cette sœur par exemple, elle demande à son mari de l'aider. Elle demande à son frère de l'aider, elle demande à son père de l'aider. Et comme ça, ils vont faire un petit groupe et ils vont attraper cet homme. Ils l'attrapent par la barbe et lui dit, toi, l'innovateur, toi le Moubtadi', pourquoi tu n'arrêtes pas tes bidas et pourquoi tu n'arrêtes pas de faire de mal à cette femme? Nous sommes venus aujourd'hui la représenter, etc. Donc il faut qu'elle fasse des contacts avec les sœurs pour voir c'est qui, ses voisines les plus proches. Ce sont ces sœurs-là qui, par le biais de leur mari et de leur frère, vont l'aider, Inch'Allah Ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, qu'il lui fasse une issue très prochainement et qu'il la guérisse et la fasse sortir de ce problème. Elle et tous nos frères et tous nos sœurs, Inch'Allah. Abu Hind, tafadhal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La réponse est... Connaissez-vous Salah qui Salah 1-9 sur le Pastok? Je ne me rappelle pas très bien de ce nom. Je connais, j'ai J'ai entendu parler d'un certain Salah, mais je ne sais pas si c'est un ou la neuf, ou là un numéro comme ça. Mais de toute façon, il y a un Salah, il y a un Salah, adoré, Allah écartez-vous du Taout, s'appelle au Jihad, Naam, Naam, Naam. Celui-là, c'est le plus grand égaré, le plus grand égaré qu'a connu le Partok, et c'est une des plus grandes fitnas pour les musulmans de nos jours. Naam, celui-là, c'est pas un takfiré. C'est il a le takfir qui marche dans son sang. Et tout le monde est kafir sauf lui. Tout le monde est kafir sauf qui? Sauf lui. Naam. Et quand il veut une chose, qu'elle est haram, elle est haram. Quand il veut aller halal, elle est halal. Quand on lui a dit, quelqu'un s'il peut se plaindre, il a dit, quiconque va se plaindre est kafir. On lui a dit, pourquoi toi tu as l'assurance de la voiture? Pourquoi tu permets l'assurance de la voiture? Il a dit, parce que c'est une daroura. Quand il veut haram, haram, quand il veut halal, halal. Qui t'a dit? Qui t'a dit que, là, tu étais là? Qui t'a dit que la voiture est une daroura? Qui t'a dit? Est-ce que si tu prends pas la voiture, si c'est une daroura, tu vas aller en enfer? Tu marches à pied, tu marches dans le bus, tu achètes un âne et tu achètes un chameau si tu étais sincère et véridique. Naam. Et s'il était sincère et véridique, pourquoi il part pas au djihad? Pourquoi il fait chauffer les gens et il reste là caché derrière le micro? Pourquoi? Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Is'aluna an anba'ikum, walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Allah ta'ala a dit, en parlant des faux mujahidin, Is'aluna an anba'ikum. Ils parlent, naam, ils parlent, ils vont demander sur l'anba, les informations. Combien vous avez tué? Combien vous avez égorgé? Combien vous avez fait de bombes? وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا. Mais s'ils étaient avec vous, jamais ils seraient partis au djihad. Regardez les takfiriens s'ils partent au djihad. Toujours derrière le micro, en train de quoi? En train de chauffer les gens. Et ce Salah dont tu parles, moi j'ai entendu, peut-être c'est du rumeur, mais j'ai entendu des gens dire qu'il était de la DST, qu'ils ont entendu je ne sais pas quoi, quelque chose parler de la police, je ne sais pas quoi, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais ça a été dit. De toute façon, c'est drôle que quelqu'un parle comme ça dans le Partok en France et que ça ne lui arrive rien. Subhanallah. Malgré que la sécurité et la DST et la sécurité militaire, ils ont tous les numéros de l'IP, etc., du micro, etc. Nous, en Algérie, ça fait pas longtemps. Il y a quelqu'un, je ne sais pas, il est rentré dans le PC, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a essayé de faire. On est allé chez lui, la police, ils ont frappé à la porte et l'ont trouvé assis en train de communiquer dans le PC. Yani, s'ils veulent, une seconde, ils sont chez toi. De toute façon, avec Salah, que fait l'État? Ils sont en train d'attraper. C'est un attrape-niveau. Ils sont en train, ils le laissent parler pour savoir quels sont les gens qui le suivent. Et un jour, un grand coup de filet, ils vont tous se trouver disparus. Naam, c'est un napa. Salah Hadès, c'est un napa qu'il le sache lui ou qu'il ne le sache pas. Mais c'est un appât pour les frères et les sincères, etc., et les sœurs qui rentrent dans sa salle et qui vont se trouver un jour, et en est disparu pour rien. Si au moins ils sont partis faire le djihad, mais pour rien. Nous conseillez-vous d'assister à ces cours. Quiconque assiste à ces cours, c'est un égaré. Quiconque assiste au cours de Salah, c'est un égaré. Parce que si au moins, supposons que ce qu'il dit sur le djihad est vrai. Ça, tous ce sont des kuffars, tous ce sont des taroutes. Mais, subhanallah, on n'apprend pas le din. On reste du matin du fajr à 22h, 23h en train de parler de taroutes. On n'apprend ni aqidah, ni sirah, ni wudu, ni tarikh, ni hadith, ni fiqh. Subhanallah, il faut se réveiller un peu. D'accord, tout ce que tu dis est vrai. Tout le monde est taroute, tout le monde est kafir, sauf toi. Mais apprenons un peu le din. Là, on va passer. La demande du din n'est-elle pas une obligation? Non. Mais comme j'ai dit que il faut bien conseiller les frères et les sœurs parce qu'ils ne rentrent pas dans cette salle, sinon ils vont être touchés par le virus et ce sera très difficile qu'ils sortent de là. Ils vont entendre des choubouettes, ils n'ont pas d'ilm et ils vont dire, subhanallah, celui-là il parle avec des versets. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant des khawarij que si vous entendez leur Coran, vous allez dire, moi, je ne connais pas le Coran par rapport à eux. si vous allez voir la façon dont ils font le jeûne, vous allez dire subhanallah, et comme ça. يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ قُرْآنَهُ مَعَ قُرْآنِهِمْ وَصَلَتُهُ مَعَ صَلَتِهِمْ. Donc, il faut bien, yani, c'est pour ça qu'il faut bien mettre cette salle et les salles qui lui ressemblent en rouge et écrire danger. Danger, pourquoi? Pour ne pas yani, rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala demain dans un sentier faux, dans un sentier où, l'ayyadu billah, tous les ulamas sont des kuffars et des enfants de 20 et 22 ans, et qui reconnaissent, ils te disent je suis jahal. Si tu lui parles, hada ou l'un autre, il te dit moi je suis jahal, je n'ai jamais demandé le ilm. Subhanallah, tu es jahal et tu as l'audace de dire X est un kafir, le grand alam. Toi le jahal, qui reconnaît ton jahal et ton ignorance, et tu te contredis, tu dis X, le grand alam, c'est un kafir. Qu'est-ce qu'on dit? On dit hasbunallah wa ni'mal wakil. De ces gens qui égarent les gens, qui égare les ikhwa et les akhawat et qui les pousse dans ce chemin où, comme j'ai dit tout à l'heure, si au moins ils faisaient ce qu'ils disaient. Naam. C'est quoi le rad? J'ai pas compris pour le rad. J'ai pas compris ce que ça veut dire le rad. Si au moins ils faisaient le djihad, si au moins ils disaient ils partaient faire le djihad, ça ne fait rien. Mais ceux-là, ils font chauffer les gens et ils restent là dans le pays de Kof, naam, en train de jouer, plaisanter et de cacher de l'argent dans les banques et d'acheter des belles voitures. Ensuite, ils payent l'assurance et ils te disent c'est d'arora. Pourquoi l'assurance? C'est pas haram. Tu te permets de payer l'assurance de la voiture? Ils te disent c'est d'arora. Qui t'a dit que c'est d'arora? Marche à pied. Marche sur le bus. Achète un âne et attache-le à la tour Eiffel. Qui t'a dit que c'est d'arora? La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Naam. La réfutation ar-rad. J'ai pas compris, hein? Abou Hind, j'ai pas compris que ça veut dire ar-rad. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ibn Khalil, est-ce que tu es prêt, inshallah ta'ala, parce qu'il reste 10 minutes seulement. Aller dans son rhum. Abou Hind, j'ai dit que il était très grave de rentrer dans sa rhum. Lui ou là, celui qui... Lui, pour le réfuter dans ses contradictions. Ah, si quelqu'un a le ilm, naam, si quelqu'un a le ilm... D'ailleurs, chauffe Abou Hind pour que tu comprennes. Ce salah dont tu parles, ou là un autre qui lui ressemble, ce ne sont pas le genre qui vont revenir. Naam, ce sont des gens avec lesquels tu perdras le temps. Va apprendre l'aqida tahawiya, va apprendre l'aqida al-wasitiya, va lire Tadmouriya de Cheikh l'Islam et laisse ces gens comme le feu en train de manger, de se manger. C'est comme la bougie. Elle s'allume, elle est en train de se manger jusqu'à ce qu'elle finisse. Laisse-les jusqu'au jour où ils vont finir parce qu'ils sont du matin au soir à dire la même chose. Tarot, du matin au soir, un jour ils vont dégoûter, ils vont dire, mais d'ailleurs même ceux qui vont assister vont en avoir marre. Ils vont dire, mais ça suffit. Du matin au soir, ta route, mais on n'a rien appris. D'accord, ils sont des ta route, mais apprends-moi comment aller au paradis. On n'est pas. Tu nous dis ta route, tu nous dis djihad. Toi, tu n'es pas parti au djihad. Nous, on n'est pas parti au djihad. On est là comme des hypocrites. Mais au moins, apprends-nous un peu le din. Naam. Cheikh Ibn Baz dit des khawarij qui sont kuffar. Eux, ils disent de Cheikh Ibn Baz, c'est un kafir, c'est un ignorant, c'est un jahal. Donc, Hadou, il faut les éviter, cher, il faut les éviter. Je ne conseille même pas de rentrer pour réfuter leur choubouhat. Car ce ne sont pas des gens qui acceptent la vérité. Ce ne sont pas des gens. Ils n'ont pas accepté la vérité de Cheikh Ibn Uthaymeen et de Cheikh Ibn Baz. Ils acceptent la vérité de toi ou là de moi. Ça, c'est impossible et ça fait rire d'ailleurs. Ibn Khalil, tafadhal. Il reste 10 minutes, Ibn Khalil. Fika barakallah, ne perds pas ton temps, akhi. Naam. Abou Hind, va lire. Abou Hind, lis l'aqida tadmouriya, lis l'wasitiya, lis hada l'umour. Apprends à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Fais qiyam l'il, fais ceci. Femme, ne perds pas ton temps avec cela. Tu vas voir, après des années, ils sont toujours là, avec du matin soir tarot, tarot, tarot, tarot, tarot, tarot, et rien dans le din, rien. Le wudu, ils ne connaissent pas, le wudu. Ce n'est pas la peine de lire l'aqida. Tayyib ibn Khalid, si tu peux reposer la question, je ne la vois pas, barakallahu fik. Je l'ai cherché un peu en haut, je ne l'ai pas trouvé. Ibn Khalil, tu m'entends? Peut-être que Ibn Khalil n'est pas là. Ibn Khalil, tafadhal, il reste 7 minutes, tafadhal. سلام سلف في الدين تفضل Assalamu alaikum, alaikum salam. Quel est le jugement sur le fait de parler dans les toilettes? Il dit prononcer dans Allah, car dans cet appartement, il n'y a qu'une seule pièce, douche et WC. Doit-on dire Bismillah avant ou dedans? Beaucoup de personnes font des niqash dessus. Naam, en principe, il est déconseillé. Il est déconseillé de citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'intérieur. À l'intérieur. Mais, des fois, il y a certaines ruses, il y a certaines petites ruses. Des fois, si par exemple l'insan, il va commencer le wudu par exemple, il prend un peu d'eau comme ça dans sa main, et lui il est à l'intérieur, hein. il ouvre juste la porte pour faire sortir juste ses lèvres, pour dire Bismillah dehors, comme ça, il dit Bismillah, et il ferme la porte, il continue son wudu. Les ulama ont dit, s'il ne peut pas, il dit Bismillah seulement dans son cœur. Ils ont dit, c'est valable, car, pourquoi? Car ici il est dans la daroura. Ils ont dit, il dit seulement dans son cœur et ça lui suffit. Mais moi, de temps en temps, j'applique à la deux, je fais sortir comme ça ma bouche de la porte, je dis Bismillah, je ferme la porte, quand c'est possible, bien sûr. Certains autres, j'ai entendu d'autres dire que tu donnes aux toilettes, tu leur donnes de ton dos. Tu t'éloignes un peu des toilettes de ton dos et tu dis Bismillah en regardant Yannick. L'autre côté, ils ont dit, tu dis comme ça avec tes lèvres. Non. Mais si quelqu'un yani, se trouve à l'intérieur en plein et il trouve que c'est difficile, il dit seulement avec son cœur, il est ma'adour, bi'idhnillah ta'ala, il est ma'adour. Non. Ummu muslima, tafadhali. Fika barakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous savons combien le prénom de l'enfant est important. J'ai appelé ma fille Nour, en référence à la sourate An-Nour. Est-ce autorisé? Sinon, comment faire? Doit-on changer? Car son deuxième prénom, c'est Muslima. Barakallahu fik. Naam, je voudrais dire que Nour, ce n'est pas un nom, un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le pensent beaucoup de gens. Naam, Nour, ce n'est pas un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le vrai, le plus juste, c'est que Nour n'est pas un nom des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en ce qui concerne le fait de l'appeler Nour, est-ce autorisé? Je ne sais pas. Allah, je ne sais pas. Tout nom qui donne la tazkiyah n'est pas autorisé. Tout nom qui fait croire qu'on est pieux ou là, qu'on est islam, iman, Nour al-Huda, tout ça qui donne un peu de tazkiyah n'est pas autorisé. C'est pour ça que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, son prénom c'était quoi? C'était Taqiyuddin. Taqiyuddin, déjà Taqiy ça veut dire pieux. On lui a dit pourquoi yani, tu te fais appeler comme ça? Il a dit ce n'est pas moi, ce sont mes parents qui m'ont appelé et je n'ai jamais pu l'enlever. Et je n'ai jamais pu l'enlever. Naam. D'ailleurs, comme on dit Taqiyuddin, Nasruddin, tout ça, les ulama disent ça rentre dans quoi? Ça rentre dans la tazkiyah. On a fait de la tazkiyah. Donc Nour. Nour, il me paraît, Allahu a'lam, que ça rentre un peu dans la tazkiyah. Yani on dit que cet enfant, c'est du Nour, c'est de la lumière. Allahu a'lam. Je ne vois pas pourquoi vous ne voulez pas appeler vos enfants comme dans la sunna. Pourquoi vous n'appelez pas Khadija, Fatima, Hafsa, Zainab, Soumeya? Pourquoi vous n'appelez pas comme ça des prénoms simples? Et pour avoir des ajr, vous dites que je vais appeler dans mon cœur. Vous mettez l'intention, j'appelle comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi ses femmes, comme il a choisi le nom de ses filles, etc. Ça devient, inshallah ta'ala, quelque chose avec laquelle on a un ajr. Je dis, je vais appeler ma fille comme la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais l'appeler Safiya, je vais l'appeler Aïcha, je vais l'appeler Khadija. Et comme ça, c'est beaucoup mieux que les nouveaux noms hadous. Les noms hadous de ce qu'on appelle la chichi. Les noms de la chichi maintenant, c'est yani, on essaye d'être à la mode avec ses prénoms, etc. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mais je demanderai encore pour hada le Nour, je demanderai encore. Tayyib, il reste. Cheikh, salam alaykoum. Si un frère fait une chose interdite haram et il reconnaît que c'est haram après plusieurs nasihas, le frère ne veut pas comprendre. Il continue à faire le haram. Qu'est-ce qu'on peut faire? Naam. Si on voit que vraiment la nasiha ne marche plus avec lui et que le haram qu'il fait, c'est un haram, c'est un grand péché, yani, c'est pas une petite chose de rien du tout. Naam. On essaye de s'éloigner de lui. On lui fait le hajr. On essaie de s'éloigner de lui après lui avoir fait beaucoup de nasiha pour voir. Est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va pas marcher? Et on peut, avant de s'éloigner de lui, on peut yani, utiliser aussi la méthode yani, d'essayer de yani, l'attirer vers lui pour qu'il ne fasse pas la chose. Car en islam, il n'y a pas seulement le hajr, il y a aussi le ta'lif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait aux kuffars, pas aux musulmans. Aux kuffars, il donnait des fois 100 moutons, 100 chameaux. Pourquoi? Juste pour l'attirer vers lui, le faire entrer en islam, ou bien pour éloigner de lui du mal. Un musulman, on peut aussi l'attirer et lui donner par exemple de l'argent ou là, pour essayer de l'attirer pour qu'il ne fasse plus ce péché. S'il ne veut pas, on s'éloigne de lui, on fait le hajr, on voit est-ce que ça donne des résultats ou est-ce que ça ne donne pas. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Hajr. Islam, il y a 13. Le frère plutôt a dit qu'un frère a le cancer, que l'on prendrait le guérisse. Amin, ya Rabbal Alamin. Cela me fait penser qu'il y a un homme qui guérit le cancer bilna avec le miel pur. Est-ce que c'est possible d'aller chez lui ou bien c'est du shirk? Barakallahu fikum. Naam. Si avec ce miel, par exemple, il lit dessus du Coran, par exemple, et il te donne ce miel, et avec ce miel, on va, par exemple, on le passe sur la maladie comme une crème, yani dohn, nedhan biha, yani on fait passer comme ça comme une crème, j'ai pas trouvé le verbe comment on dit. Naam, ce n'est pas du shirk bi'illah subhanahu wa ta'ala, car le miel a été cité dans le Coran que fi shifa, et encore une pommade, et encore je cherche le verbe Abu Hind, comment on fait avec la pommade, comment on fait nedhan, c'est pas en caresse, il y a un verbe qu'on emploie comme ça. Naam, je disais que masi, naam, on masse, barakallahu fik, si on prend le miel et on lit dessus et en masse, inshallah ta'ala, il n'y a aucun problème, bidna ta'ala, ça n'a rien à voir avec le shirk. Le shirk, c'est s'il va lire dessus des choses qui quoi, qui n'ont rien, qui sont pas compréhensibles. Il va dire par exemple shemharosh, il va dire comme ça des mots qu'on comprend pas, ça c'est haram, ça rentre dans le shirk. Mais si c'est avec le Coran et les adriyah, etc., السلام عليكم يا شيخ. قطع الصوت. السلام عليكم ورحمة الله. في صوت. نعم. Je voulais vous dire que inshallah ta'ala demain j'ai le درس dans la salle d'Europe. Demain inshallah le درس sera بإذن ta'ala dans la salle d'Europe. Je voulais vous dire que inshallah ta'ala vous savez que la salle d'Europe c'est pas une salle comme toutes les autres salles. On m'a fait des remarques à cause des questions. Vous savez que le but de cette salle, c'est surtout ceux qui ne sont pas musulmans, les chrétiens, Alors quand vous posez des questions, Barclofikum, vous ne posez pas des questions qui risquent de les faire fuir ou là, de les faire douter. Ou là. Vous posez des questions qui la réponse serait beaucoup plus attirante. Non, ce n'est pas des questions où ils ne peuvent pas comprendre tout ce qu'on dit. Ils ne peuvent pas comprendre des questions douces, des questions sages, où il y a la hikma, inshallah ta'ala, pour essayer d'attirer les gens. Ne posez pas les questions où il y a des ikhtilaf entre les sahaba, toutes ces choses-là, ils ne vont pas les comprendre. Je vous donne rendez-vous, inshallah ta'ala, demain dans la salle d'Europe. J'ai déjà dépassé le temps d'une demi-heure. Je vous rencontre, inshallah ta'ala, demain. Je commence à me sentir fatigué. Barakallahu fikoum, jazakoum allahu khayran. Subhanak allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka.